Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du Fantasticast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Comment ça va Roman? Deux épisodes en pas si longtemps que ça. C'est ça, bah ça va bien et on est là pour un épisode un peu particulier puisqu'on est là pour un épisode sur l'étrange festival. Alors on tient à vous remercier tous énormément parce que c'est grâce à vous qu'on a pu être accrédité cette année à cette 31e édition de l'Étrange Festival. Donc merci à vous tous, merci à l'Étrange Festival de nous avoir accrédités, effectivement. Et on va être là pour vous faire un bilan, un retour sur les films qu'on a pu voir. Alors on n'a pas pu tout voir malgré notre bonne volonté et notre capacité, mais on a pu en voir quand même un certain nombre et globalement plutôt une très bonne cuvée. Alors évidemment, toi c'était pas ton premier festival, moi c'était mon premier festival de films, enfin de gros festival entre guillemets, de films fantastiques et étranges ever, et ça a été plutôt des très bonnes surprises. Alors aussi quelques films où on va sortir les fusils, mais globalement plutôt très séduit par cette édition avec notamment 4 ou 5 énormes coups de cœur. Et toi? Et bah effectivement pareil aussi, alors moi du coup mon premier étrange c'était en 2017, année où j'avais vu deux films, à savoir Tokyo Vampire Hotel de Son Ocean. En version cinéma. Version cinéma. Donc ouais. La version hystérique au possible, parce que c'est une série qui a été transformée en film. Exactement, et l'autre version c'était une carte blanche de Jaume Balagueró qui présentait Street Trash de Jim Murrow. Et Jaume Balagueró dont on avait chroniqué Fragile, si je ne dis pas de bêtises, dans il y a nombre d'épisodes. Beaucoup de lunes dans l'épisode d'Espagne. Mais effectivement, réalisateur ô combien important pour moi et pour le cinéma fantastique en général. Et peut-on dire que c'est là-bas que tu as rencontré possiblement le plus grand metteur en scène d'action actuel? C'est vrai que là-bas, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Alors j'ai un gros trou de mémoire. Il me semble que c'était il y a 2 ans parce que tu avais déjà parlé d'Avoc avec lui. Oui, c'est ça, donc c'était en 2023, exactement, c'était en 2023, et à l'édition 2023, je rencontre du coup Gareth Evans, lors de ses cartes blanches, donc j'étais allé à la projection. Alors il avait choisi, étonnant de Gareth Evans, vu son style de cinéma, mais qui avait choisi un programme de films muets avec triple programme The Kid de Chaplin et 2 films de Buster Keaton. Oh, alors le Buster Keaton ça m'étonne pas, mais bon pourquoi pas. Et alors il avait aussi choisi entre autres Evil Dead 2, ce qui est déjà plus proche de son cinéma. Ça, j'avais pas pu aller à celle-là, mais j'avais été à la projection de Dead or Alive de Takashi Miike. Le 1 ? Ouais. Ah, chanceux que tu es. Mais même si on a pu rencontrer des gens délicieux à cette édition, notamment Christophe Gans. On a croisé Christophe Gans et c'était évidemment le tout merveilleux. Et on espère qu'il écoutera cet épisode, François Gaillard, évidemment, qu'on salue. Donc, l'épisode se déroulera en 2 temps. Alors d'abord, il y aura une présentation un peu globale de l'édition de cette année. Et ensuite, on reviendra sur les projections auxquelles on a assisté jour par jour. Donc voilà, vous aurez vraiment le débrief de notre épopée. Exact. Donc alors, cette édition a été marquée par 2 temps forts à la fois imprévus, dont l'un était quand même prévisible. Donc le premier, c'est évidemment, donc sur une édition qui se déroulait du 2 au 12 septembre, évidemment le mouvement social du 10 septembre qui était à prévoir. Et si vous nous écoutez, vous connaissez un peu nos convictions, on est évidemment derrière le mouvement social. Ah, on soutient le mouvement social et la mouvance populaire derrière cette... Des revendications qui sont aussi nobles qu'importantes. Donc, ce qui a causé l'annulation de 11 séances, dont 2 ont été reprogrammées d'ailleurs 2 jours plus tard, à savoir Honey Bunch, et le programme 4 de la compétition court-métrage. L'autre déprogrammation qui a pu marquer ce festival, c'est celle de Marco, de Hanif Adeni, en raison de différends avec le distributeur du film, qui, en fait, c'est un problème de copie, et le distributeur a... D'après l'équipe du festival, n'a pas fait le bon travail et ils se sont démenés pour essayer de programmer le film tant bien que mal, mais malheureusement on nous a raconté que même l'un des membres du festival avait passé plusieurs nuits blanches à essayer de régler le problème qui n'a pas pu être réglé au final. Donc on remercie le festival de s'être démené et ce n'est évidemment pas leur faute, mais, et c'est là que nous apportons de l'exclusivité, ayant personnellement déjà vu le film par 2 fois, lors de mon séjour en Inde, je tenais à tout prix à ce que Roman le voie et je me réjouissais à l'idée de cette projection. Et c'est chose faite. Mais bon, voilà, donc on va quand même vous en parler. Quand bien même le film n'a pas été au festival, on va quand même pouvoir vous en parler au moins un petit peu au cours de cet épisode, étant donné que c'est un film qui mérite au moins le coup d'œil, pour peu qu'on sache à quoi se préparer. Mais l'annulation de Marco m'a permis d'aller à 2 séances auxquelles je n'aurais sûrement pas pu aller en dehors de ça. C'était une reprogrammation de Flush de Grégory Morin et de L'Enfant Miroir de Philippe Ridley. Chef-d'œuvre. Donc cette édition a aussi été marquée par trois cartes blanches, celle de Steven Sayadian. Grand réalisateur. Alors, réalisateur quelque peu particulier, mais un réalisateur ô combien important pour ma cinéphilie et pour ce qu'on pourrait appeler les cinémas alternatifs, les propositions plus audacieuses, beaucoup plus différentes, mais également un humain adorable. Nous reviendrons probablement sur ça. Vous aurez peut-être en story, au moment où l'épisode sortira, une photo du Blu-ray de Café Flèche dédicacée par Sayadian, que Corentin est très content d'avoir. C'était une rencontre qui était... Je donnerai plus de détails au moment où on parlera du film de sa carte blanche que nous avons pu voir, ensemble. C'est ça. Donc, Sayadian avait plusieurs films à sa carte blanche. Le film Brûle, sorcière, brûle de Sidney Ayer, sorti en 62. La chute d'Otrar de Adrak Amirkulov, donc un drame historique russe, sorti en 91. La projection spéciale dédiée à Valerian Borovzik, donc avec ses courts-métrages Renaissance et Les Jeux des Anges et le long-métrage Dr. Jekyll et les Femmes, ainsi que les longs-métrages, Une femme dans une cage et Les Diables, dont on reparlera en temps et lieu lors du débrief jour par jour, puisque soit moi, soit Corentin et moi avons pu accéder aux séances. Mais c'est pas tout, puisque la carte blanche de Sayadian incluait deux films, à savoir Café Flèche et Docteur Caligari. Malheureusement, la séance de Caligari a été annulée en raison du mouvement social. Mais encore une fois, l'annulation de séance n'est rien face aux causes qui ont poussé les citoyens à aller dans la rue, évidemment. Donc, ces deux séances étaient en partenariat avec Carlotta, qui se sont chargés de la restauration 4K en France. Tu as par ailleurs une très belle copie. Très belle copie. Très très belle, effectivement. On a eu aussi la carte blanche de Adilkhan Yerzhanov, qui est donc un réalisateur kazakh, qui avait dans sa carte blanche Le Pont de Bernard Wicki, Sous l'emprise du démon de Roy Boutling, Enfant de salaud de André de Tott. Alors André de Tott, si vous le connaissez, c'est celui qui a réalisé L'homme au masque de cire avec Vincent Price, un des précurseurs de la 3D au cinéma. Fatal Games, ou Heathers en VO, de Michael Lehman. Et Six Strings Samurai de Lance Mungia. Et donc avec trois de ces films qui étaient présentés, Kazakh Scary Tales, dont une des séances a été annulée, encore une fois le mouvement social, et aussi les films Cadet et Moore, et enfin la carte blanche du média La Spirale, représentée là-bas par Laurent Courreau, donc à savoir les films Butthole Surfers de Whole Truth and Nothing But avec deux T et Hole sans le W, documentaire sur le groupe Butthole Surfers, donc réalisé par Tom Stern, qui avait co-réalisé le film Freaked, co-réalisé avec Alex Winter. Il y avait aussi A Scanner Darkly de Richard Linklater, Rock Beach de Norman Hull, et le double programme donc dédié à Amélie Ravalek, avec Sumar Sudolstol, et le documentaire Japanese Avant-Garde Pioneers, et ainsi que le film The Institute, dont Corentin parlera plus tard. Effectivement. Pour les programmes spéciaux, un peu, il y avait La Soirée avec Barbara Steele. Donc j'ai pu assister à une des deux séances, à savoir celle du Spectre du professeur Hitchcock, qui était suivie d'un entretien avec Barbara Steele. L'autre séance juste après était Frisson de David Cronenberg, rien que ça. Il y a aussi l'intégrale de la saga Lady Yakuza, dont trois des séances ont été annulées, mais qui est une saga de 8 films, tous sortis entre 68 et 72. L'hommage à Robert Lapoujade avec les courts-métrages Prison, Foule et Trois portraits d'un oiseau qui n'existe pas, et les longs-métrages Le Socrate et Le Sourire Vertical. Le troisième partenariat consécutif avec Lina, donc pour des courts et moyens-métrages qui n'ont jamais été sortis en France, uniquement à la télé, et donc c'était des exclusivités en salle. Le programme Une soirée gonflée avec Christophe Bier, ou Bier, je sais pas comment on dit. Alors Christophe Bier, c'est un acteur qui a surtout tourné dans les courts et les longs-métrages de Bertrand Mandicot. Il est dans plus d'une dizaine de ses films, et qui a aussi joué dans Un couteau dans le cœur, par exemple. Donc avec les courts-métrages La Grande Paulette, pardon, les longs-métrages La Grande Paulette de Gérald Calandron et Grandeur Nature de Luis Garcia Berlanga. Évidemment, le ciné-concert L'étrange musique avec Charlotte James et Christophe Sieber play Bad Trip à Mervedgorod. Donc c'est une variante musicale autour du roman Une vie de saint de Christophe Sieber. Et Left Up et Left Up play Franche Info Live, l'adaptation de la nouvelle radiophonique de 2010 diffusée sur France Culture, avec des extraits vidéo générés par IA pour justement volontairement en exploiter les défauts, apparemment. On n'a pas été à la séance, je me base uniquement sur ce que L'étrange a communiqué. Et les découvertes Canal+, qui pour le coup, c'est un des points positifs qu'on peut attribuer à Bolloré sur ça. Pas à Bolloré, mais à un de ses médias au moins. C'est des séances qui sont gratuites et ouvertes à tous, donc sous réserve des places disponibles évidemment, mais c'est des séances gratuites qui comportent à chaque fois un court-métrage français et un long-métrage étranger. Donc avec, pour une des séances, le court-métrage Le Bézoard de Laure-Élie Chenier-Moreau et le long-métrage Restore Point de Robert Loz. Et pour la deuxième, le court-métrage Deux personnes échangent de la salive de Nathalie Musteata et Alexandra Singh et le long-métrage Delivery Run de Joey Palmbrousse. Et enfin le cycle Les Pépites de l'étrange avec The Oily Maniac de Homeng Hwa, Café Flèche de Steven Sayadian, Docteur Caligari de Steven Sayadian, The Mafu Cage de Karen Arthur en présence de sa réalisatrice, l'hommage à Phil Mulloy, donc avec le film Goodbye Mr. Christie, on reparlera de l'hommage à Phil Mulloy dans la cérémonie d'ouverture, et trois films qu'on a vus et dont on parlera en temps et lieu, Black Magic with Buddha, The Island et L'Enfant Miroir. Enfin, trois séances, enfin plutôt trois films, avec des invités prestigieux auxquels on n'a pas pu accéder, assister malheureusement, pour des raisons d'emploi du temps. La première, celle de Animal Totem, de Benoît Delépine, en présence de Benoît Delépine et du casting, donc Solène Rigaud, Samer Ghesmi et Olivier Rabourdin. La séance de La Disparition de Joseph Mengele, réalisée et du coup en présence de Kirill Serebrennikov. Peut-être un de mes plus gros regrets de ne pas avoir pu y assister. Mais il sort en salle d'ici 1 ou 2 mois. Ouais. Donc ce sera évidemment à rattraper le temps venu. Et enfin, la séance de La Tour de Glace en présence de sa réalisatrice, Lucile Adzialilovic, pardon, Adzialilovitch. qui lui est sorti en salle au moment où on enregistre cet épisode, qui sera à sa deuxième semaine d'exploitation au moment où l'épisode sortira. Et qu'on vous invite évidemment à aller voir et soutenir. Mais donc, on va commencer au débrief jour par jour. Exact. Alors Déjà, bravo pour tout le travail d'investigation et de restitution que tu as mené. Ce n'est pas facile. Mais donc. Mais donc, alors, désolé si c'était un peu indigeste. Non, mais c'est important de rappeler tant les différentes compétitions et propositions faites par ce festival que les différentes, on va dire, la variété du programme qu'il peut y avoir, que ce soit dans les films projetés, dans les thématiques explorées, dans les personnes invitées, c'est important, c'est important. Mais là, du coup, sachant qu'en plus, j'ai parlé des invités et des séances un peu exceptionnelles auxquelles on n'a pas assisté. Celles auxquelles on a assisté, on en parlera dans le débrief qui s'en vient de ce pas. Donc, le jour 1, le festival s'ouvre le 2 septembre. Cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture qui commence par, du coup, un rappel de la condition du Forum des Images, par justement l'équipe du Forum des Images, qui est donc le lieu, donc c'est dans le Forum des Halles, qui accueille l'Étrange Festival, et qui est un peu dans la dèche, notamment dû à des coupes dans les subventions de la ville de Paris, entre autres. Parce que bah, la culture se meurt, donc. Se meurt, c'est un grand mot, mais la culture est en danger si on continue, évidemment, dans cette voie. En termes de politique. Donc, évidemment, si vous êtes là pour pas entendre un lien entre le cinéma et la politique, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites à écouter des podcasts qui parlent de cinéma? Mais donc, rappel important sur la situation politique de cet endroit et de la culture présentée à cet endroit-là dans la situation actuelle. Ce qui rejoint évidemment le mouvement social du 10 septembre. Mais donc, suite à ça, l'équipe de l'étrange arrive, remercie le Forum des Images de les accueillir, et donc parle du film d'ouverture, mais également du court-métrage d'ouverture, à savoir Intolérance 3, The Final Solution, de Phil Mulloy. Alors Phil Mulloy, du coup, c'est un réalisateur britannique, un des réalisateurs les plus cyniques et misanthropes qu'on puisse connaître, qui a pas beaucoup de considération pour la race humaine. Et qui a réalisé une trilogie de courts-métrages sortie au début des années 2000, qui s'appelle du coup Intolérance 1, 2 et 3. Les trois sont trouvables sur YouTube si vous voulez les voir. Et où on parle de plus ou moins guerre civile dans un vaisseau dans l'espace, entre deux espèces qui se disputent parce qu'ils ne croient pas à la même chose. Voilà. Et évidemment. Les deux veulent l'extermination de l'autre Parce que voilà. parce que les guerres de religion n'ont jamais Tout parallèle avec une réalité historique ou humaine serait fortuit, bien évidemment. bien évidemment. Mais cette cérémonie d'ouverture était aussi marquée par la présence de Gabriele Menetti, évidemment réalisateur italien à qui on doit On l'appelle Jake Oui. Robot et Freaks Freaks Out. Out. qui était sorti il y a... Il y a 3-4 ans, ouais, 3-4 il y ans, a 3 ans, je crois. 3 ans. Et qui avait bénéficié en plus de Del Toro à la production, donc... Qui sont des variantes, les deux étant des variantes autour du thème du super-héros, qui sont de très très loin les propositions sur ce thème-là, qui, malgré leurs défauts plus qu'évidents, notamment dans le cas de J-Grobot, sont, je trouve, ô combien importantes et ô combien réjouissantes au vu de la qualité proposée malgré les quelques défauts. Alors, J-Grobot, qui était quand même assez bourrin dans mes souvenirs, avec en plus un côté très... presque Hellboy, je trouve, dans l'approche, alors sans aller jusqu'aux images fantasmagoriques de Del Toro. Mais et Freaks Out était également très séduisant, avec en plus un travail de ces personnages qui était vraiment, vraiment réjouissant. Donc personnellement, c'est deux films que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Et j'aurais adoré voir son dernier film si j'avais eu l'occasion. Mais c'est pas grave, il sortira d'une quelconque façon, surtout que... On en parlera plus tard lors de la cérémonie de clôture, mais... Il n'est pas reparti les mains vides. C'est ça. Cette cérémonie d'ouverture, donc avec ce court-métrage que je trouve vraiment très drôle, le style d'animation très minimaliste, avec vraiment ces espèces de bonhommes bâtons qui sont plus reconnaissables par leurs accessoires, par ce qu'ils portent et par surtout le symbole qu'ils incarnent, que par leur apparence en tant que être. C'est vraiment tous des bonhommes bâtons. Ce qui va surtout servir à exagérer les traits parodiques. Il y a typiquement une race qui a... Enfin, ou certains individus qui ont pas de tête, mais un pénis à la place de la tête, et la tête à la place du pénis. Enfin bref, c'est... Quand on dit que certains hommes pensent avec leur bite, là on y est. Et donc The Forbidden City, qui est un film d'action, qui commence comme un film d'action, qui s'avère plus devenir un drame d'ailleurs par la suite, mais qui est à la fois réjouissant par ses scènes d'action, comme il peut être touchant par ses scènes dramatiques, mais qui malheureusement dure un peu trop longtemps. Il dure quelque chose comme 2h10, et c'est... on les ressent, pour le coup. C'est... Il gère pas super bien l'équilibre, mais ça reste quand même très réjouissant à voir, ne serait-ce que pour la castagne, ou même par ce simple fait de voir Rome à travers les yeux d'une personne d'origine chinoise fraîchement arrivée, ce qui est pas du tout sans rappeler le film de Bruce Lee avec Chuck Norris qui se passe à Rome. J'avoue, je l'ai plus là. La Fureur du Dragon. La Fureur du Dragon, voilà. Qui se conclut par ce combat entre Bruce Lee et Chuck Norris dans le Colisée. Magnifique. Mais cette soirée du premier jour, donc du 2 septembre, c'est clôturée pour moi par la projection de Jimmy and Stiggs de Joe Bigos. Alors, en préambule. Préambule, évidemment, le film est produit par Eli Roth, qui, alors, au-delà d'être un réalisateur qui a marqué son temps, on peut le dire. Et que, sans avoir connaissance de ce qui s'était présenté jusqu'à là, je suis à peu près sûr de l'avoir défendu plus d'une fois au micro de ce podcast. Donc, voilà. Oui, il a fait des films qui peuvent être parfois très chouettes, pas de souci. Mais, évidemment, Eli Roth... Suite aux attentats du 7 octobre, a viré totalement pro-Israël et surtout pro-génocide palestinien. Et il a également fait des déclarations plus ou moins sympathiques. On vous invite à aller voir, par exemple, la story qu'il a pu faire sur Greta Thunberg. Voilà. Quelqu'un qui a l'air éminemment sympathique, humainement parlant. Voilà, on peut dire ce qu'il dit sur Greta Thunberg ? Non, laissons la surprise. Ça a un lien avec Green Inferno, nous n'en dirons pas plus. Et ça a l'air d'être quelqu'un d'absolument détestable. Donc voilà, on a... À nouveau, je prends la responsabilité. Je suis à peu près sûr d'avoir défendu plusieurs de ses films au micro de ce podcast-là. Genre, je sais pas, à tout hasard, je peux dire Hostel 2, Green Inferno, Thanksgiving, des films que j'aimais bien. Cabin Fever. Cabin Fever, je suis à peu près sûr aussi d'en avoir parlé. Mm. Mais donc voilà, sachez... Thanksgiving, c'est sûr, on en a parlé dans le bilan 2023. Bah oui, dans le bilan, en plus. Mm. Voilà, sachez que nous ne savions pas à ce moment-là, et maintenant qu'on sait et qu'on a conscience des agissements et des déclarations de cet individu, nous ne les cautionnons évidemment pas, et nous ne soutenons évidemment pas un génocide, en fait, tout simplement. Évidemment. Mais donc, parenthèse et Eli Roth terminé, Joe Bigos, c'est quelqu'un dont on aime quand même pas mal le style. Bah, on avait parlé de Christmas Bloody Christmas. Ouais, dans le calendrier de l'Avent. Mais donc, pour résumer son cinéma, en fait, c'est un cinéma qui est extrêmement référencé, qui est parfois un peu indigeste, mais qui se compose toujours de trois choses, plein de néons, genre oui. Vraiment, vraiment beaucoup. Winding Refn à côté, c'est un débutant. Et pour le coup, ce film, je pense, c'en est la quintessence. Il y a beaucoup de gore aussi. Beaucoup, c'est un cinéma qui est souvent assez trash. Mais une approche, et c'est le troisième point, une approche qui est toujours éminemment pop et éminemment ce qu'on pourrait qualifier de arty fun, entre guillemets. Je pense par exemple à Bliss, qui est un film qui, en apparence, selon le pitch et dans sa première partie, très arty, très... on veut dire des trucs et balancer des machins, mais qui en fait va toujours revenir à une certaine forme d'exploitation qui rend son cinéma extrêmement amusant pour peu qu'on soit amateur. Alors après, je parlais d'indigeste, effectivement, je crois que j'en avais parlé sur Christmas Bloody Christmas, malgré la sympathie que peuvent inspirer ces films, le format très néon avec en plus souvent une photo qui est très granuleuse, ça peut vite devenir un peu usant. Et, c'est ça, et pour le coup... Comment est Jimmy and Stiggs, c'est ça C'est ça, ouais, Jimmy and Stiggs. Alors, pour le coup, oui, il y a ce côté indigeste qui arrive au bout d'un moment parce que le film fait une heure et demie, et ce style-là sur une heure et demie, ça a tendance à aller vers l'overdose. Surtout, alors, en termes de mise en scène, on a cette scène d'intro et cette scène de conclusion en POV qui sont, pour le coup, très réjouissantes à voir. Mais on retrouve énormément d'aspects du style de Joe Bagos, à savoir beaucoup d'alcool et de drogue, qui sont presque... Devant et derrière la caméra. comme Joe Bagos, d'ailleurs, qui a le rôle principal du film. Ah ouais ? Ouais. Ah, cool. Qui, d'ailleurs, du coup, j'ai appris qu'il avait un tatouage de... Il avait plein de tatouages de films d'horreur sur les bras. Notamment un de l'affiche de Zombie de Romero. C'est possiblement l'un des réalisateurs de genre les plus passionnés par le genre en lui-même qui sont en activité actuellement. C'est plus qu'évident, et au-delà d'évidence, c'est que je pense que c'est une personnalité importante, entre guillemets, dans le cinéma d'horreur actuel, parce qu'il rappelle quelque chose qui est éminemment crucial, je pense, lorsqu'on fait un film de genre, un film à but d'exploitation, qui est de se dire... En tant que fan, de quoi, qu'est-ce que t'as envie de voir en fait quand tu vas au cinéma? Et bah parfois t'as juste envie de voir des cadres un peu sympas et des gars se faire charcler, et c'est plus ou moins exactement ce qu'il donne dans certains de ses films, je pense par exemple à Christmas, Bloody Christmas. Et donc dans Jimmy and Stiggs, c'est pas des gars qui se font charcler, mais des extraterrestres. Yeah. Voilà, c'est vraiment une invasion alien dans un 3 pièces, dans un 2 pièces, avec juste un mec défoncé et son ancien meilleur pote, parce qu'ils se sont engueulés, qui va finir par être défoncé aussi, et qui vont juste vouloir charcler de l'alien pendant une heure et demie. Alors c'est réjouissant, même si du coup la mécanique tend à s'épuiser sur la durée, mais ça reste une bonne petite pépite bis. Alors question con, alors je ne l'ai pas vu à nouveau, mais le pitch que tu m'en fais me rappelle un peu à un film que j'aime beaucoup, mais le côté un gars et son pote qui vont charcler des trucs, ça me rappelle un peu Deathgasm, d'autant que j'ai souvent identifié comparer Jason Leigh Howden et Joe Bagos, pas dans leur approche du genre, mais dans leur amour extrêmement sincère de l'exploitation. Est-ce que les deux sont proches en termes de ton ou pas du tout? Pas du tout. Deathgasm, pour le coup, est beaucoup plus drôle. Ah oui, bah, Deathgasm, surtout quand on est métalleux, il y a plein de refs un peu souvent très techniques par ailleurs, que j'avais vraiment adoré. En plus, il y a deux qui sortent bientôt, j'ai hâte. Mais ok, d'accord. Mais oui, Deathgasm est beaucoup plus drôle, beaucoup plus lumineux, mine de rien aussi. Oui, c'est quasiment une comédie. Hein. Ah oui, totalement. Mais même dans sa photographie, Deathgasm est beaucoup plus lumineux. Deathgasm est beaucoup moins resserré aussi, parce qu'il se déroule sur... t'as quand même un préambule qui se déroule sur toute une journée, même plusieurs journées. Ouais, le film, je crois, se déroule sur une semaine, un truc comme ça. Alors que vraiment, c'est l'intrigue de Jimmy and Stick se déroule sur une nuit. Ok. Et a seulement deux protagonistes, là où Deathgasm en a une demi-douzaine. Est-ce que, à l'image des autres films de Joe Bagos, le film a un côté un peu cheap, mais ça va? Oui. Ça a toujours été, oui. C'est aussi une caractéristique de son cinéma, c'est que t'as souvent l'impression que c'est fait avec 3 francs 6 sous, mais c'est pas un défaut pour autant. Pour le coup, oui. Okay. C'est vraiment... C'est cheap, mais c'est le bon style de cheap. Et la question évidente, est-ce qu'il y a de la viande sur les murs? Oui, okay. De la viande verte, du coup, mais de la viande quand même. C'est aussi une des promesses du film, le côté « c'est ultra gore, ça va être trop fun » et tout, c'était aussi une des promesses du film. Mais donc jour 2, et c'est ton premier jour au festival. Exact, parce que je revenais de terre nordique pour le premier jour, mais effectivement c'est mon premier jour. Tu veux démarrer ou je démarre? Je crois... Vas-y, démarre pour voir. Ah bah écoute, moi j'ai démarré avec donc Flush, de Grégory Morin, qui était proposé, qui était en fin de journée. Alors, j'y allais un peu à reculons, parce que le pitch du film me donnait pas très envie, et j'en avais parlé dans les vidéos Instagram, mais le côté très comédie, un peu bête, le côté un peu bas du front, ne m'attirait pas beaucoup. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir finalement ce qui était une comédie noire très bien ficelée, très fine, qui va jamais dans la facilité, qui relance son intrigue souvent avec beaucoup de malice, presque une, avec presque une petite dose de sadisme vis-à-vis de son personnage principal, mais un sadisme qui est jamais gratuit, on tombe jamais dans un espèce de nihilisme déplacé, on est toujours vraiment dans une vraie comédie avec une approche d'abord... comment dire, une approche qui est bon enfant, une approche qui reste, malgré sa cruauté, toujours finalement très drôle. Je pense par exemple au sort d'un personnage féminin, j'essaie de ne vraiment pas trop en dire, mais oui. Qui a été un fou rire général dans la salle. Ça, je confirme, parce que du coup, j'ai pu le voir aussi, pas à cette projection-là, mais à la projection de remplacement de Marco. Exactement. Et c'est un vrai plaisir. Et en fait, ce qui se démarque du film, c'est... Bah, il me semble d'ailleurs que j'avais fait la comparaison avec 13 notes en rouge, mais c'est cette idée de... film qui va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, qui va chercher finalement un plaisir de spectateur total et absolu, et qui va toujours trouver des moyens de débrouille, qui va toujours proposer quelque chose, malgré possiblement des restrictions techniques ou budgétaires. Typiquement, l'équipe était là au moment de la présentation du film, et ils évoquaient le fait que le film s'est fait sur plusieurs années, que ça a été tourné à un seul endroit, que c'était vraiment pas facile de monter ça. Mais ça a été un immense plaisir qui, malgré ses prémices qui peuvent laisser penser à quelque chose d'un peu puéril, un peu débile, bah finalement, malgré son postulat de base éminemment bête, va aller chercher des sommets très inattendus, notamment dans la façon dont le personnage principal va évoluer et va, en évoluant, faire varier l'ambiance du film, c'est-à-dire qu'il va passer de... film de gangster un peu perché, à sincère comédie, à comédie noire, à demi-film d'horreur à tendance comique, vers la fin. Donc vraiment un de mes gros plaisirs sur ce festival. Donc tu as pu le voir. Et ben c'est un de mes gros plaisirs aussi, pour le coup, comme tu dis. Alors, quand tu dis tourné en plusieurs années, en fait il a été tourné en deux fois, c'est-à-dire d'abord les scènes avec la tête de Jonathan Lambert coincée dans un chiotte à la turque. Détail important. C'est ça, où du coup, c'est donc les plans sous le chiotte, qui ont d'abord été tournés, et ensuite les plans dans le toilette, la pièce, pas le toilette, l'objet. Et du coup, c'est un huis clos, c'est-à-dire, c'est un toilette. Et ça triche pas sur le côté, oui, mais ça sort... Non, c'est vraiment, vous allez passer 1h10, parce que le film, en plus, n'est pas long, ouais. Dans des chiottes. Vous inquiétez pas, le film est agréable quand même. Oui, ça et pour le coup, ça tombe certes un peu parfois, parce que évidemment le postulat de base veut ça, mais pas non plus trop dans le côté caca-prout des blagues. Il y en a même quasiment pas. La seule blague autour du thème fécal qu'on peut avoir, elle est évacuée. Très littéralement d'ailleurs. Oui. Donc, pour le coup, le film a cette finesse et cette... cette présence d'esprit de pas tomber dans un humour qui très grivois, alors que pour le coup, le terrain s'y prêtait quand même pas mal. Plus graveleux que grivois, d'ailleurs. Exactement. Mais donc, ma première projection ce jour-là, donc au jour 2, ce 3 septembre, c'était Hold the Fort de William Bagley, qui, avant ça, avait réalisé un autre film, une autre comédie d'horreur qui s'appelle The Murder Podcast. Je vais tuer Corentin après l'enregistrement. donc, c'était la première française. Ah oui, d'ailleurs, du coup, pour en parler... c'était la première française pour Flush, pour Jamie and Stiggs, pour The Forbidden City et donc pour Hold the Fort. Oui, bien sûr. Précisons que c'est quasiment uniquement des premières, sinon mondiales ou européennes, en tout cas françaises. C'est ça. Il y aura quelques exceptions, on y reviendra notamment au moment de Franck Alda, par exemple, qui lui était passé par Annecy. Effectivement. Avant de venir ici. Ou à I Live Here Now, qui était passé par Deauville avant. Effectivement aussi. Genre vraiment 2 jours ou 3 jours avant. Et donc, Hold the Fort de William Bagley, qui était une comédie d'horreur très efficace sur... Alors, je crois que l'étrange sur le site internet faisait la comparaison avec le film Les Banlieusards, donc The Burbs, en VO, que j'ai pas encore vu, mais si je devais vraiment le comparer, je crois que c'est ce que je fais dans la vidéo qui est disponible sur le compte Instagram, mais c'est vraiment la comparaison avec The Gate, dans le côté porte des enfers, des monstres qui sortent et on doit les buter. Avec vraiment du Evil Dead 2. Le côté cheap ou le côté intelligent de Evil Dead 2? Les deux. Mais surtout le côté généreux, tant dans le bestiaire que dans la façon de le dérouiller. Et pour le coup, alors, ça a tendance à traîner quand on tire sur le mélodrame, parce que sur ce genre de film, c'est pas tant ce qu'on attend, même si on sait que c'est le passage nécessaire pour faire avancer l'intrigue. Mais on est évidemment là pour voir du charclage. Alors, il y a quelques effets numériques. Enfin, ouais. Enfin, pas. Cracra. Disons-le cracra. Mais les effets pratiques sont suffisamment satisfaisants pour qu'on passe outre. Et surtout, c'est un film qui sait être drôle, qui est vraiment très drôle. Et c'est vraiment juste un des films idéaux pour une soirée entre potes. Est-ce que la comparaison se tient avec Attack the Block? Non, parce que Attack the Block démarre très sérieusement pour le coup. Ah oui, mais c'est ça, mais en termes de ton et au moment où ça bascule entre guillemets dans la pantalonnade. J'ai jamais trouvé Attack the Block particulièrement drôle. Oh. Ah si, il y a un côté Edgar Wright. Et Edgar Wright, le bon, celui de Dernier Bar ou de Shaun of the Dead. Non, pour le coup, c'est un peu capillotracté quand même, Ok, comme bon, comparaison. Mais pas de soucis. Non, c'est juste que le pitch m'y faisait penser également. Non, en gros, on va suivre une réunion de copropriété des voisins Oula. dans une banlieue pavillonnaire. Sauf que tous les ans, ils doivent faire face à des monstres qui sortent d'une faille sur le terrain de l'un d'eux. Oh, parfois, c'est plus agréable que des réunions de copro, Oui, hein. et donc il y a globalement du charclage de monstres et de gens. Ça se tient aussi. Ce qui est pas pour me déplaire. T'avais une autre séance ce jour-là, non? Exactement, 40 Acres, alors. Qui est un film avec Daniel Deadwhiler. Alors, évacuons tout de suite l'éléphant dans la pièce. C'est de très loin le meilleur élément du film, mais vraiment, vraiment, vraiment de très loin. Excellente actrice qui ici trouve possiblement un de ses meilleurs rôles. Alors, j'étais sorti mitigé, mais à tendance plus, et en fait, le temps m'a prouvé que plutôt à tendance un peu moins, en fait. Donc ça se passe dans un futur post-apocalyptique dans lequel les terres cultivables sont devenues la ressource la plus précieuse, étant donné que ça permet de faire pousser la nourriture, etc. Et le film, alors, qui est assez long, qui dans mes souvenirs dure quasiment 2 heures, Je crois qu'il fait 1h50, un truc comme ça. et dans ces eaux-là, en fait, durant la majeure partie de son temps, va essayer de dérouler la vie d'une petite famille dans leur ferme, qui font leur vie, qui ont leur quotidien, etc., qui résistent parfois aux attaques de pilleurs à droite à gauche, et qui régulièrement vont faire des raids ou des expéditions à droite à gauche. Alors, si le pitch peut laisser croire que le film va être assez fun et nerveux, en fait, il n'en est rien, parce que pendant ces trois quarts, le film va plus ou moins faire du surplace. Alors, un surplace qui a le mérite de soulever, de questionner, d'amener plusieurs thématiques particulièrement intéressantes, notamment autour de la notion de leader au sein d'une cellule familiale. Qu'est-ce que c'est qu'être un leader? Comment est-ce qu'on peut le devenir? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y a besoin d'un leader? C'est des thématiques qui sont passionnantes, mais qui, je trouve, ne sont pas vraiment bien développées, et qui, surtout, ne trouvent finalement que très peu de conclusions. Alors, certains choix narratifs peuvent être interprétés comme une conclusion, mais pas tous, je trouve. Et autant la fin, pour le coup, la fin est assez amusante, qui vire carrément dans le Home Invasion, avec en plus une ou deux images assez marquantes, notamment sur le choix que peuvent faire certains personnages quand ils n'ont pas envie de manger ce qui sort de terre. Je vous laisse imaginer la suite. Et donc ça donne quelques scènes qui peuvent être un peu marquantes, mais pour moi, il était déjà un peu trop tard. Et le film, quand bien même il n'inspire de je ne Je peux pas dire que je le déteste, et le film a beaucoup de qualités, notamment esthétique et de mise en scène. Il a une façon notamment de filmer les dialogues et les personnages qui est particulièrement intéressante. La relation entre l'un des personnages masculins principaux et plus ou moins sa compagne est particulièrement intéressante sur la façon dont la caméra va accompagner leur demi-jeu de séduction. Vous comprendrez pourquoi je dis demi si vous avez l'occasion de voir le film. Mais je trouve qu'au moment de filmer l'action, malheureusement, on tombe un peu dans des idées plus plan-plan, plus évidentes, et les pulsions de violence, entre guillemets, que le film va envoyer ne parviennent pas à rattraper ce petit retard accumulé par la mise en scène. Donc bah, j'en ressors globalement, et toujours mitigé, mais à tendance un peu plus négatif qu'en sortant de la salle. D'autant que, et ça je ne peux pas le nier, le côté très contemplatif, alors c'est un terme très exagéré pour ce film-là, étant donné que le film n'est pas contemplatif, mais le côté beaucoup plus lent, on va dire. En séance de 22 h, si je dis pas de bêtises, quand je venais de sortir d'une journée de travail, et que j'avais déjà un super film dans les pattes avec Flush, petite forme. Mais en parallèle, pendant ta séance de Flush, moi j'avais une séance Barbara Steele. Barbara Steele, exactement. Donc le film en lui-même, à Déjà, savoir. est-ce qu'on peut dire que toutes les personnes, pardon, qui ont cherché à stalker les invités ou qui en général vont stalker des gens invités, célèbres ou pas, vous êtes juste des creeps et vous êtes juste terrifiants. C'est ça. Si alors, jamais il y en a un ou deux qui nous écoutent, ne nous écoutez pas, ce n'est pas grave. On a pu dialoguer avec une bénévole du festival. On salue si elle nous écoute, évidemment. Qu'on salue, évidemment, qui se reconnaîtra si elle nous écoute, mais dont on ne révélera pas le nom pour pas causer de problème si jamais. Mais il nous avait dit que globalement, l'équipe du festival avait pris toutes les mesures possibles pour que les infos concernant Barbara Steele, à savoir son aéroport d'arrivée, son heure d'arrivée, son hôtel, soient maintenues le plus secrètes et révélées aux personnes qui devaient le savoir, à savoir les organisateurs du festival, le plus tard possible. Toutes ces mesures-là ont été prises, et pourtant, des gens l'attendaient à l'aéroport, des gens ont découvert son hôtel et attendaient devant. Vous êtes des malades mentaux. Vous êtes juste terrifiants. fin de la discussion, vous êtes juste effrayants. Oui. Bref. Et pareil, ceux qui ont insulté les membres du festival quand ils les ont repoussés, ça, vous êtes des merdes. Voilà. Voilà. Parce que Barbara Steele voulait juste rentrer chez elle et... Bah, ça reste une femme qui a quand même 70 ans. Plus de 80. Ouais, plus de 80 ans, donc voilà, peut-être comprendre que... elle n'est pas forcément à la aussi disponible, entre guillemets, en tout cas, et quand même elle ne veut pas se rendre aussi disponible que d'autres personnes, et c'est pas grave, c'est son choix, foutez-lui la paix. C'est ça, elle a totalement le droit de vous refuser une photo ou une dédicace, et voilà, c'est pas une raison pour insulter le staff de l'étrange qui ne fait que répondre, c'est ça, qui ne fait que répondre à la volonté de part d'une personne dont la carrière mérite énormément de respect, d'autre part dont l'âge mérite aussi un traitement particulier, de et surtout... qui ne vous doivent rien, que ce soit l'étrange ou Barbara Steele, ne vous doivent rien. Voilà. Une fois, maintenant que ça a été évacué, la séance. Mais donc, la séance, donc pour le film Le Spectre du professeur Hitchcock, ou Lo Spettro en italien, donc de Riccardo Freda, réalisé en 1963. Donc, le film en lui-même, c'est du gothique italien des années 60, assez classique, à rapprocher un peu de ce que faisait Roger Corman à l'époque, par exemple. C'était c'est ce que notamment disait Barbara Steele dans son entretien qu'on a pu avoir avec elle après le film. C'était qu'elle mettait un point d'honneur à opposer la Hammer et le style gothique italien. Qui sont deux styles drastiques. Si esthétiquement ils se rejoignent, sont drastiquement différents tant dans leur approche finalement esthétique que narrative et même que visuelle. C'est-à-dire que le gothique italien a un côté beaucoup plus flamboyant que le gothique à la Hammer. C'est pour ça que je vais plus comparer l'italien à Roger Corman. Alors, Roger Corman, ça veut tout et rien dire tellement il a produit et réalisé à balle. Roger Corman, oui. Roger Corman, période adaptation d'Edgar Allan Poe. Allez juste voir ses crédits de production et de réalisation, il y en a quelques-uns. Roger Corman, Edgar Poe. Voilà, ce duo globalement inattaquable des années 60, qui est... duo posthume, pour l'un d'eux, évidemment. Mais qui a à l'origine de nombre de films cultes, classiques et importants. Voilà, que ce soit... La Chambre des Tortures, donc Pit and the Pendulum en VO, que ce soit Le Corbeau, que ce soit... Le Corbeau, surtout. Que ce soit Le Masque de la Mort Rouge, aussi. Bref. Voyez les adaptations de Poe par Roger Corman, c'est des petites pépites. Mais donc, ce qui vaut surtout le highlight de cette projection, c'est évidemment l'entretien qui a suivi avec Barbara Steele, qui, pour une femme de son âge, est toujours très en forme, qui rigole, qui fait des vannes, qui est vraiment... je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi du tac au tac lors des questions-réponses et qu'elle ait encore autant d'esprit. Mais pour le coup, c'est vraiment une personne avec qui c'est très intéressant de parler, surtout dont la carrière est super impressionnante. On parle d'une femme qui a tourné avec Vincent Price, avec énormément de pointures. On parle d'une femme qui a tourné pour Fellini, rien que ça. Bah, Mario Bava. Qui a tourné pour Cronenberg, en fait, c'est quelqu'un, je peux l'illustrer en un détail, c'est quelqu'un qui, dans sa carrière, va de Fellini à Bava à Ryan Gosling. Tout est résumé par là pour moi. Et qui également a joué, si je dis pas de bêtises, parce que je sais qu'on la voit dans le documentaire, mais dans l'île du Docteur Moreau de Richard Stanley. Peut-être. Il me semble qu'elle est dedans, mais je sais qu'elle est dans le documentaire Lost Souls. Elle a joué aussi dans Piranha, si je dis pas de bêtises. Oui, de Joe Dante. Voilà, donc pour le coup, c'est quelqu'un qui a quand même une carrière longue comme le bras et ô combien importante. Enfin, c'est une personne ô combien importante dans ce cinéma-là, dans ces cinémas-là que nous apprécions tant. Mais donc voilà, c'est une femme qui avait 1000 anecdotes à raconter sur Fellini. Le fait que... Déjà, avoir des anecdotes à raconter sur Fellini, genre, c'est bon, ça. Sur le fait qu'il y avait des fois où c'est arrivé qu'il l'appelle à 3h du mat pendant le tournage de 8h30 pour lui dire Barbara, je m'ennuie, viens, on va se balader dans Rome. Et elle pouvait pas dire non parce que c'était Fellini et que le mec avait cette espèce de magnétisme absolument dingue. Et donc il se baladait dans Rome, qui est possiblement la plus belle ville du monde. Enfin, pour y avoir été 3 fois en tout, Rome c'est vraiment magnifique. On l'appelle le musée à ciel ouvert, mais c'est pas pour rien. Rome c'est incroyable comme ville. Et qui racontait qu'il se baladait dans des quartiers où il y avait d'un côté les prostituées et de l'autre côté les gigolos qui faisaient à manger dans la rue. Enfin bref, c'était. Moultes histoires et anecdotes passionnantes. C'est ça, ou même quand elle a raconté que quand elle a rencontré Vincent Price, elle savait pas si elle devait lui faire la bise ou lui embrasser les pieds tellement. Moi j'aurais fait la deuxième perso, mais. tellement. Alors j'aurais fait les deux en même temps s'il avait un peu plus de souplesse. Mais tellement Vincent Price a cette espèce d'aura qu'il dégage et qui est monumentale. Enfin, on parle. Peut-être d'un des. Enfin, il doit être dans les 10 plus grands monstres sacrés de l'histoire du cinéma fantastique, et pas dixième, quoi. J'aurais mis dans le top 5 perso, mais. Oui, après, il y a tellement d'icônes aussi. Ah oui, mais ça reste quelqu'un qui est quand même. En fait, juste, c'est. Son nom simple amène avec lui non seulement une filmographie, mais surtout un héritage et un symbole qui est pratiquement intouchable, mais pour les bonnes raisons, en fait. Oui. C'est ça qui est. Ça. Parce que, autant, même des icônes que moi-même j'adore, hein, comme. Christopher Lee par exemple, alors je touche pas à Christopher Lee, j'adore ce. Pas de souci. Mais il a malgré tout des grosses casseroles. Je pense typiquement au. Les Rivières Pourpres 2, où il est dedans, où du coup tu peux faire ces vannes-là. Vincent Price, à ma connaissance, peut-être qu'il en a et que je ne connais pas et je m'en excuse, mais il a ce statut quasiment d'intouchable, qui est. Et mérité, même si Christopher Lee l'a aussi, hein, soyons clairs hein, quand même. Et au-delà de ça, la séance était présentée par Severin Films, donc le distributeur états-unien du film, qui s'était chargé de la restauration d'ailleurs en 4K de Los Petro, et qui d'ailleurs a fait gagner des coffrets Blu-ray ou 4K, je sais plus, 4K je crois, de Giallo, du coup au pluriel. Pas le film du coup, le genre. C'est ça, le genre, donc Giallo, le pluriel de Giallo. Vous voyez la vidéo de Karim Debbache sur le slasher pour plus de détails. Mais donc qui a fait gagner ça par l'intermédiaire de questions sur le cinéma gothique et fantastique des années 60. Et pour le coup, ça m'a donné quelques films à voir, une petite watchlist, donc c'est pas déplaisant sur cet aspect-là. Mais du coup, jour suivant, alors toi, tu as vu quoi en ce 4 Alors le septembre? jour suivant, j'ai vu ce qui est peut-être. Alors je vais être très rapide sur celui-ci. J'ai vu Girl America, qui était imbuvable, et je suis très poli en disant ça. Le réalisateur, donc c'était présenté par le réalisateur, qui au demeurant a l'air d'être une personne excessivement sympathique. Alors c'était un film qui. Pff, le réalisateur a démarré en nous disant ne cherchez pas à le comprendre pendant. Que vous le regardez, sinon vous allez me détester. Alors, sans aller jusqu'à de tels excès d'émotion qui ne sont pas forcément utiles, j'en ressors vraiment presque énervé, pas tant contre le réalisateur que contre le film, parce que c'est vraiment une expérience que j'ai pas aimée du tout, où c'est plus une accumulation d'images, de séquences, de symboles, de schémas narratifs qui, pour certains, peuvent être assez percutants. Il y a quand même quelques images qui me restent en tête, et qui au début peuvent faire illusion, mais qui au final, je trouve, ne sont qu'un amas globalement nonsensique et finalement très un peu irritable. En fait, si jamais je pouvais me permettre d'être un peu méchant, je pourrais dire, c'est un film qui aurait été fait par quelqu'un à qui on aurait dit, écoute, tu vas refaire Rocky, Mandy et le labyrinthe de Pan. Avec l'esthétique du premier, le bordel du deuxième et l'esprit du troisième, mais tu vas le faire uniquement en te basant sur tes souvenirs et en une semaine. Ouais, figurez-vous ça et vous avez à peu près l'idée de Girl America. Donc ouais, personnellement, j'ai détesté. Alors après. J'ai revu le labyrinthe de Pan la semaine dernière, tu viens de me filer des images à cauchemar. C'est un chef-d'œuvre. Donc là, tu me donnes vraiment pas envie. Après, pour précision, c'est aussi une sensibilité et une. Une approche du médium cinéma qui n'est pas forcément celle que nous, Français, pouvons avoir, parce que le cinéma tchèque et est-européen en général, a une approche beaucoup plus sensitive, avec l'idée de finalement faire, bah, à l'image du film, une accumulation de séquences et d'images fortes plus qu'une véritable narration facile à suivre. Donc pour le coup, la carte du fait que c'est simplement pas ma sensibilité peut évidemment être jouée, mais personnellement, j'ai détesté. Que ce soit tchèque ou tchécoslovaque d'ailleurs, bien sûr. On pense notamment à Valérie au Pays des Merveilles. Voilà. Mais donc ce jour-là, j'ai vu Black Magic with Buddha de Lollier, qui faisait partie donc des Pépites de l'étrange. Et donc c'était une séance animée par Frédéric Ambroisine, qui est donc journaliste spécialisé dans le cinéma hongkongais, et qui nous a raconté comment il a trouvé les négatifs originaux du film. Alors, donc il avait découvert le film sur YouTube dans une qualité absolument déplorable. Le film est toujours sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez le voir. Dans un certain montage, parce que le film a deux montages, c'est ce que nous a raconté Frédéric. Mais donc, alors déjà, au-delà d'être adorable, que ce soit, et surtout passionnant, que ce soit en animant la séance ou même en discutant avec lui après, c'est quelqu'un qui est très accessible et qui a surtout un puits de connaissances, qui collabore entre autres avec des distributeurs comme Spectrum quand il s'agit de faire des bonus d'édition pour des films hongkongais, parce que lui a beaucoup de contacts ayant officié vraiment en tant que journaliste sur ce cinéma-là dans les années 2000. Mais donc, c'est un film fantastique et horrifique hongkongais avec un pacte avec une espèce de démon qui est relié à un cœur de momie. Et qui va se finir en espèce de baston entre un démon et un avatar de dieu... de dieu chinois. C'est un beau bordel, on va pas se mentir. Ça traîne aussi beaucoup sur son deuxième tiers. Le premier tiers a cet aspect waouh de la découverte du côté attends, quoi, la momie, attends, il exauce des vœux, attends, il y a un sacrifice à demander à chaque vœu, ok. Le troisième tiers avec cette espèce de baston entre vraiment un démon et un dieu, ce qui est assez plaisant aussi. Mais du coup, le deuxième tiers est quand même vachement, enfin, traînasse, vachement. Sans grand intérêt, mais surtout, ce qui est à noter, c'est le troisième tiers qui diffère d'un montage à l'autre. Le film a deux montages, avec des scènes... Alors, les deux montages font la même durée à peu près, mais il y a des scènes de remplacement parce que le montage cantonais original est beaucoup plus foutraque et beaucoup plus drôle sur son troisième tiers, avec plus de vannes du dieu qui possède le corps de l'exorciste. Et vraiment, c'est beaucoup plus drôle. Là où le montage mandarin que j'ai vu, donc avec le doublage mandarin, lui est plus sérieux et moins blasphématoire sur sa fin. Parce que, alors, on n'a pas de traces de sortie du film en Chine, mais il a dû être exploité dans des territoires comme Taïwan. Ce qui était souvent le cas. Ouais. Mais qui, eux, du coup, parlent mandarin. Précisons une chose, d'ailleurs, c'est le film est réalisé par Lollier, qui est également le réalisateur de Clan of the White Lotus, très bon film, et qui a joué des rôles principaux dans La 36e chambre de Shaolin et dans L'Enfer des armes de Choi Ark. Ok. Et voilà, et qui a également, si je dis pas de bêtises, alors après ça se sera vérifié, mais un petit rôle dans Police Story 3, il me semble. Je m'occupe de vérifier, je te laisse finir. Ok. Je viens de confirmer, Police Story 3 Super Cop, il a bien un rôle dedans. Mais donc pour rester sur la différence entre le montage cantonais et le montage cantonais et mandarin, pardon, ma fourche a langué. Les deux montages seront disponibles sur le Blu-ray du Chat qui fume, qui est prévu de sortir dans les futurs mois. Donc voilà, ce film sortira en France prochainement. Sinon en 4K, au moins en Blu-ray. Je peux sortir les fusils maintenant ? On va sortir les fusils tous les deux pour celui-là. Alors, Vade Retro. Vade Retro Satanas sort de ce festival, donc de Antonin Peretiatko. Alors, qui a l'air d'être quelqu'un, encore une fois, de très gentil, tous les membres du casting étaient tous très gentils, même si on peut avoir des passifs compliqués cinématographiquement parlant avec certains. Tu penses à qui ? Je détaillerai pas, vous verrez le film, vous comprendrez. Mais moi je pense à deux, hein. Comment décrire ce film ? C'est un film de vampire français, et c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. C'était éprouvant, 30, ouais. 1h30 ressenti 5, avec globalement un humour qui sûrement n'a jamais fonctionné, que j'ai trouvé... non avenu, non convenu, qui était vraiment tout ce que je peux ne pas aimer dans une certaine branche du cinéma fantastique, et plus spécifiquement de la comédie horrifique, bah c'était là, sous mes yeux, étalé sur 1h30. Moi, j'ai vraiment, non seulement je suis passé à côté, mais j'ai vigoureusement détesté le film, avec en plus une mention particulière à son acteur principal Esteban, qui a l'air d'être un humain charmant, mais qui, dans quasiment tous les rôles au cinéma où je l'ai vu, je le trouve infernal, mais infernal, vraiment dans des proportions cosmiques. Dans son rôle de débile profond, en fait, Voilà, et son donc. espèce d'intonation. Si vous étiez sur YouTube entre 2016 et 2018, je sais pas quand il a arrêté, mais les vidéos de Jojo Bernard, c'est typiquement le même accent, le même. Ouais, le même. Je suis un gogol. Je suis vraiment débile, débile au dernier degré. Bref, donc ça c'était très compliqué. Tu sais que toi t'as un peu sauvé Pascal Légitimus dans la vidéo Oui, dont alors tu c'est parlais. vrai, pour le coup. Alors tout le casting est déplorable. Surtout une personne, et j'insiste sur le une. Alors, tiens. Nouveau, ne détaillons pas trop. Ah, dommage, dommage. Tu voulais mentionner où est-ce qu'elle était dans la salle par rapport à nous? Elle était deux sièges derrière nous. Vous regarderez le film, il y a une actrice qui est très connue en dehors du cinéma, elle était Alors, deux sièges derrière tu nous. parlais du temps qui passe dans le Cyrielle film. Dombal, disons le Voilà. Cyrielle Dombal, J'allais le dire, tu parlais film. du temps qui passe dans le film. C'est au bout de 15 minutes. Non, au bout de 2 heures, j'ai regardé ma montre. Au bout de 15 minutes, je regarde ma... 30 minutes, je regarde ma montre, 15 minutes s'étaient écoulées. Gérard Lefort, Libération, qui parle du jour et de la nuit de BHL. Ariel Avec Dombal, Ariel c'est Dombal. Laure, l'actrice. Voilà, comme quoi tout est lié. On peut toujours revenir à Ariel Dombal et à cette espèce de dilatation de la notion de Pour temps. citer une autre critique de l'époque, c'est BHL et le cinéma, c'est un peu le jour et la nuit. Et ça, c'est beau. Mais oui, du coup, alors, il y a tout ce casting qui est exécrable au possible, sauf, et là je vais vraiment sauver Légitimus, qui, soit sur son phrasé, soit sur l'intonation qu'il donne, soit sur son. C'est un terme de rap, mais sur son delivery, je sais pas. Il y a un truc où juste le fait. L'interprétation en C'est général. ça, l'interprétation, parce que c'est Légitimus, c'est un mec qui est expérimenté dans la comédie, là où Ariel Dombal est expérimenté dans le cassage de burnes. C'est vraiment ce côté drôle, et pour le coup. Je sais pas si c'est vraiment mon affect envers les inconnus qui jouent, mais Légitimus est drôle dans le film. Je sais pas comment il réussit à rendre. Alors, pour le coup, c'est le même scénariste pour toutes les répliques. Donc, soit c'est le dialoguiste qui s'est dit, tiens, j'écris sur Légitimus. C'est l'interprétation C'est aussi. ça. Ou soit juste, c'est Légitimus qui, soit a réussi à tourner ce texte en le disant d'une façon drôle, soit qui a carrément réécrit ses répliques. Je sais pas. Comme à la Voilà, manière d'un Alexandre Astier sur Assez que Jeux Olympiques, qui a mais... écrit lui-même ses propres répliques. Film qui a l'air réalisé, en tout cas réalisé et fabriqué par des gens qui ont l'air ô combien charmants et ô combien humainement intéressants, mais qui, sur le résultat final, était tout bonnement, en tout cas pour nous, affligeant, long et particulièrement douloureux sur la fin, parce que le film, sur son dernier acte notamment, a l'air d'avoir quatre fins différentes. C'est-à-dire que ça termine, tu dis, ah, c'est fini, enfin! Et en fait, non, ça relance, et ça Ça relance. relance, et au final, quand ça finit, tu te dis, attends, ça finit sur ça. Avec en plus quelques touches de gore qui ont autant leur place là que dans Renfield, ça n'a rien à foutre là. Alors au moins c'est du gore prosthétique, Oui. précisons, mais style, et vraiment globalement c'était très compliqué, même si je peux quand même jouer le jeu et donner un truc, les scènes de nuit sont jolies. Voilà, il y a eu de très belles nuits Ah, américaines. pour le coup, je les trouve vraiment laides, les nuits américaines. Ah bah, je récupère ce que je peux, hein, à nouveau. Si j'étais pas sur la vidéo, il y a une raison. Celle-là, pour l'encontre, on ne peut pas la détailler. Mais voilà, bref. Voilà, c'était notre première grosse déconvenue du festival, enfin la deuxième en ce qui me concerne après Girl America. Mais bref, on a fini sur Vade Retro, jour d'après. Jour d'après, jour 4, donc ce 5 septembre 2025. Et alors, je suis le seul à avoir vu un film ce jour-là. Ouais, parce que j'étais au boulot. C'est ça. Et c'était le film 2551.03 The End de Norbert Pfaffenbichler, donc qui est un réalisateur autrichien. Et c'est la conclusion d'une trilogie expérimentale. Alors, pour vous situer, c'est une trilogie où, dans une espèce de futur post-apocalyptique nucléaire, où tout le monde vit en souterrain, tout le monde porte des masques, parce qu'on suppose que tout le monde est défiguré, j'imagine. Et donc, personne n'a. Enfin, on ne montre le visage de personne, tout le monde a des masques. Et donc, un homme avec un masque de singe qui s'appelle Ape Man va trouver un enfant abandonné. Il va l'adopter. Et le premier film se termine sur l'enlèvement de cet enfant. Le deuxième film, c'est la recherche de Ape Man de cet enfant, qui va se terminer sur la retrouvaille et le re-enlèvement de cet enfant. Et donc, on va suivre dans ce troisième film comment Ape Man va à la fois survivre à ce monde qui a. Enfin, bref, qui a des espèces de strates sociales assez alambiquées, avec une espèce de royauté, mais en même temps, c'est la jungle. Et à la fois retrouver l'enfant, on va suivre l'enfant. Une trilogie de films, donc c'est de l'expérimental, c'est autrichien, et c'est. Si Bégoten rencontre la jetée et The Kid. Globalement, c'est ça. Et pour le 2, on peut rajouter Nymphomaniac. Le 2 s'appelle littéralement Orgy of the Damned. Et juste, c'est. Ouais. C'est une expérience à vivre en salle. J'avais peut-être un peu trop d'attente sur celui-là parce que dans cette même salle 300 du Forum des Images, j'avais vu 2 années plus tôt le cycle Bégoten de Elias Meryl, qui, ça, pour le coup, était une foutue expérience en salle. C'était vraiment 2 heures de. En plus, c'était la restauration de Bégoten qui était magnifique. Donc, c'était vraiment 2 heures d'expérimental en noir et blanc muet, comme 2550, 2551. Mais beaucoup plus extrême là où celui-là. Peut-être c'est moi qui en attendais trop. Peut-être aussi que. En tant que conclusion de trilogie. Alors, on parle de cinéma expérimental, donc conclure une trilogie. Déjà, ça arrive pas souvent. Mettons des guillemets. C'est ça, on parle trilogie expérimentale. Déjà, t'en fais un, t'es bien. Mais donc, alors, les 2 premiers sont trouvables sur des sites de streaming un peu Sont illégaux, trouvables. Sont trouvables. qui ont un lien avec un certain pays d'Europe de l'Est au drapeau blanc-rouge. Europe de l'Est slash Asie. Mais bref, donc c'était la première française du film, et c'était très spécial à vivre. Je conseille la trilogie quand même aux amateurs de cinéma expérimental, parce que c'est parmi les propositions les plus atypiques quand même qu'on ait eues dans les années 2020. Donc, franchement, si c'est votre genre, allez-y. Le lendemain, Ah! Ah! C'est là! on a ouvert la journée sur le film Bulk de Ben Wheatley, sachant que du coup, il était projeté en première européenne la veille au soir. Et on l'a rattrapé le On lendemain. le rappelle le lendemain, donc en présence de Ben Wheatley la veille, mais qui malheureusement a dû prendre un avion juste après la séance. Donc on n'a pas pu le voir, mais on est toujours en présence du réalisateur Andrew Stark, qui, au-delà des films de Ben Wheatley, a produit aussi Sensor et Possessor. Alors, précisons sur Ben Wheatley. J'ai été plus favorable au film, je me permets de passer devant. Oui, passe devant. Alors, j'admets avoir côtoyé Morphée pendant 10-15 minutes, donc je ne m'exprimerai pas sur le film, je laisse la parole à Corentin sur celui-là. Alors, c'est Ben Wheatley, très sincèrement, j'allais voir le film uniquement pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a fait des films ô combien important et surtout des films vraiment marquants, pas tant pour moi que pour le genre en général. Je considère Kill List vraiment comme un petit chef-d'œuvre. Je considère des propositions comme Field in England ou In the Earth pas toujours parfaites, loin de là dans le cas de In the Earth, mais qui témoignent en tout cas d'une vraie volonté d'auteur et d'une vraie capacité d'auteur également. Alors après, il a ses casseroles, on peut citer High Rise qui était une d'aube pas possible. On peut citer évidemment The Meg 2 qui est Titre français? En eau très trouble. En eau Voilà. très trouble qui était une merde, mais j'avais haï ce film de la première à la dernière minute. Je l'ai vu en 3D, c'est Ah dégueulasse. non, mais c'est honteux, c'est la tentative de Jason Statham de se hisser en action star débile, mais en fait, les Indiens font ça mieux que toi, quoi qu'il arrive, donc pourquoi tu veux essayer? Même s'il y a un film intéressant dans sa carrière hollywoodienne que je tiens à noter qui est Free Fire. Free Fire, qui a un exercice de style autour de la fusillade, alors dit comme ça peut avoir l'air un peu improbable. Ça l'est, et on va pas se mentir, c'est. La carrière hollywoodienne de Ben Wheatley, De Ben pas Wheatley, de ouais, Statham. Jason Statham, il a mille et une réussites, et au moins autant d'échecs, si ce n'est plus. Et donc, Free Fire, qui a un exercice de style autour de la fusillade, avec notamment la façon de comment est-ce qu'elle peut faire progresser un récit, comment est-ce qu'elle peut l'interrompre, comment est-ce qu'elle peut le faire évoluer, c'est. Vraiment un film assez attachant. Et donc Bulk, alors Bulk, c'est un film expérimental dans le côté le plus bordélique du terme. J'étais sorti pleinement séduit. Je m'attendais à ce qu'il grandisse positivement. Finalement, il reste à peu près au même niveau, c'est-à-dire que ça serait plus ou moins un point d'interrogation, mais un point d'interrogation à tendance plus malgré tout. Parce que c'est un film qui va travailler une envie, la notion de narration à proprement parler, avec le fait de qu'est-ce qui nourrit une narration? Est-ce que l'auteur est le seul à la nourrir? Comment est-ce qu'il peut la nourrir? Et comment est-ce qu'à son tour, cette narration peut nourrir d'autres personnes, d'autres thématiques, d'autres sujets. Alors, c'est pas du tout un film accessible, voire un film bienveillant vis-à-vis de son spectateur. C'est-à-dire que c'est quand même un film très raide, à la narration très éparse et au style visuel particulièrement éprouvant, on pourrait dire, pour son spectateur. Mais ça reste une expérience qui, je trouve, a pour elle d'être unique, et qui en plus d'être unique, d'amener nombre de questionnements, de questionnements passionnants. Maintenant, je pense aussi que c'est un film qui ne se voit, malheureusement ou pas, qu'une seule fois. Mais ouais, chouette expérience, et expérience qui est, en tout cas, un peu rassurante sur le tournant de carrière que prend Ben Whitley, même s'il a encore quelques efforts à faire avant de se faire pardonner The Meg 2. Mais donc, personnellement, ce jour-là, donc j'étais là aussi, mais encore une fois, je ne m'exprime pas, mais après ça, j'ai eu l'étrange séance Grand Guignol. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un ciné-concert en partenariat avec la boîte de prod de Steamboat, qui est donc spécialisée dans les documentaires, notamment sur Méliès, et qui était présenté et animé par Serge Bromberg, qui donc a co-réalisé les documentaires sur Méliès en question. Mais donc, et qui donc présentait les films, mais aussi les accompagnait au piano, donc c'est le ciné-concert, sachant que c'est le deuxième ciné-concert que je fais de ma vie, l'autre ayant aussi été juste un grand mec avec un piano, et c'était à la Philharmonie de Paris, c'était pour le Fantôme de l'Opéra, celui avec Lon Chaney. Mmh. Ce qui est toujours une très bonne expérience à vivre en salle, notamment en ciné-concert. Mais donc c'était dans le cadre d'un double programme dédié au Grand Guignol, après le documentaire Theater of Horrors, The Sordid Story of Paris Grand Guignol, de David Gregory. Alors, qui est David Gregory ? Donc, ah oui, déjà, la séance de documentaire, j'y ai pas assisté malheureusement, mais elle était en présence également de Barbara Steele. Mais donc, le Grand Guignol, qu'est-ce que c'est ? C'est une horreur très démonstrative dans la réaction que ça suscite, et qui, au regard d'aujourd'hui, peut avoir cet aspect désuet et ridicule. Tant, surtout pour les films muets, où on devait absolument exagérer les réactions des personnages, surtout les grimaces. Et c'est ça, c'est le cinéma de la grimace. Et ce côté... twist sadique aussi, notamment pour certains films qui ont été présentés. Mais donc, suite au documentaire de David Gregory, donc David Gregory qui est, au-delà d'avoir réalisé un segment du film The Theater Bizarre, a aussi réalisé beaucoup de documentaires sur le cinéma bis, notamment sur L'île du Docteur Moreau de Richard Stanley, sur Massacre à la tronçonneuse, Les clones de Bruce Lee, le Western Spaghetti, le premier film Mario aussi, Maniac, Evil Dead, Zombie, Baraka, Aux frontières de l'aube, Martin, Henri Portrait d'un serial killer, La dernière maison sur la gauche, bref, il s'est spécialisé dans les documentaires sur le cinéma bis. Le documentaire sur Richard Stanley, c'est justement c'est Lost Soul dont je parlais, dans oui. Lequel on voit Barbara Steele, qui est un documentaire édifiant sur le bordel intégral qui a été ce projet, vraiment un documentaire passionnant sur lequel on pourrait écrire des pages et des pages et des pages. Mais donc, le ciné-concert en tant que tel, je ne vais pas élaborer parce qu'en tout, on a eu une quinzaine de courts-métrages qui allaient de 1 à, je crois, 15 minutes pour le plus long. Donc, la plupart de ces films, c'était entièrement muet, donc il n'y avait pas de films qui datent d'après 1925, je crois. Il y avait énormément de films de la fin du 19e siècle. Il y avait du Méliès, il y avait du Griffith aussi, le réalisateur du controversé Naissance d'une Nation. N'est-ce pas ? Ou de Intolérance, dont d'ailleurs la trilogie Intolérance de Phil Mulloy, dont je parlais au début, est un pied de nez. Ou encore de Fred Paul, qui est pareil un réalisateur spécialisé dans le Grand Guignol, mais lui est britannique. Et, juste globalement, aller au ciné-concert de l'étrange, je vais pas en dire plus, c'était très intéressant d'entendre Serge Bromberg parler des films, et surtout de les accompagner au piano. Et... Le Grand Guignol, c'est du glauque, très léger, mais surtout du rire aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qu'on aime, si vous êtes vraiment amateur de films muets, c'est une petite pépite. Foncez les voir, il y en a certains qui étaient en plus remasterisés et restaurés spécialement pour l'occasion. Certains ont été retrouvés quelques semaines avant la projection des films considérés comme perdus. Donc c'est vraiment une très bonne expérience à vivre. Mais on va finir cette journée par... Pardon, je me suis perdu. Mais on va finir cette journée par The Old Woman with the Knife de Kim Kyo-dong. Avant, j'avais The Island, très rapidement. Oui. Alors, très très rapidement promis, The Island de Po Chi-leo, alors qui est un réalisateur extrêmement intéressant, qui a notamment eu un rôle dans le cinéma hongkongais ô combien important et qui serait très intéressant de détailler sous d'autres auspices. Alors, très simplement, c'est un film qui part sur un prémisse plutôt prometteur finalement, donc l'idée d'un professeur et de quelques élèves qui vont sur une île et qui vont se faire traquer par une espèce de secte maniaque qui veulent épouser les filles, tuer les gars ou inversement, et en fait finalement le film est un peu décevant, c'est-à-dire qu'il met pas mal de temps à démarrer pour finalement pas grand-chose. J'y allais avec l'envie de voir une horreur hongkongaise, cette espèce d'horreur complètement hors sol et excessive que j'aime tant et qui finalement là était un peu timide malheureusement. Ouais, je pense que je suis passé un petit peu à côté du film sur celui-ci, malgré la copie qui était en très très belle qualité par ailleurs. Mais bref, Old Man with the Knife. Alors, juste, si vous voulez vous faire un avis sur The Island, il est trouvable sur Archive, si vous voulez le voir. Il est découpé en trois tronçons de 30 minutes. Mais il est disponible si vous voulez. Mais donc, on va parler de The Old Woman with the Knife de Kim Kyo-dong. Min Kyo-dong. Min Kyo-dong, pardon. Projeté en première française. Memento Mori! Voilà. Memento Mori! Alors, avant que tu ailles sur Memento Mori, je vais juste m'attarder parce que c'est notre première séance présentée par Julien Sévéon à laquelle on a assisté. Julien Sévéon, que j'ai eu la chance de rencontrer à une séance de dédicace de Bustillo et Mori. Pourquoi de Bustillo et Mori? Parce que Julien Sévéon a écrit beaucoup d'ouvrages sur le cinéma fantastique, notamment sur la saga Massacre à la tronçonneuse. Et Bustillo et Mori ont réalisé Leatherface, Leatherface, voilà. qui est le dernier film, alors avant le remake, avant le reboot, mais officiel de Massacre à la C'est tronçonneuse. ça. Mais donc, CV1, c'est au-delà de ce livre-là, un livre sur George Romero, un sur le catégorie 3, la catégorie 3, pardon, Satoshi Kon, Mamoru Oshii, le cinéma extrême japonais depuis les années 60, Lucio Fulci, la Blaxploitation, Maniac, les zombies, et qui a même coécrit le tome 2 de Le cinéma français, c'est de la merde, et dont le dernier ouvrage est d'ailleurs un livre sur les 30 ans de l'Étrange Festival, la 30e édition qui a eu lieu l'année dernière. Donc, Memento Mori, tu disais. Oui, sublime film réalisé à la fin des années 90 par Min Kyo-dong, qui est un. Alors, le deuxième opus d'une volée d'une saga de six films, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Whispering Corridors. Alors, c'est le nom du premier film, après, ils ont tous des noms plus ou moins différents. Qui est un film absolument sublime sur. Film de fantômes, quelque part. Dans une école autour de deux personnages qui sont des outcasts, et c'est une thématique qui est plus ou moins récurrente dans son cinéma. Et qu'on retrouve dans Old Man with the Knife, qui est une variante autour du thème de la John Wickry aujourd'hui, pourrait-on dire, en mettant en personnage principal une vieille dame. Et c'est un film qui est moins à fleur de peau, qui est moins touchant que Memento Mori, qui était vraiment, je trouve, un authentique diamant de sentiments assez extrêmement, extrêmement puissant. Là, pour le coup, on est dans un film d'action qui est finalement beaucoup plus classique, alors une histoire sans grande prétention, même si un certain thème autour de la maternité revient et qui est, je trouve, plutôt très bien amené. Et alors, malgré tout, alors, les quelques réflexions sont pas non plus très poussées, hein. L'idée, ça reste de faire quand même un film d'action qui reste avant tout efficace et très conscient de ce qu'il est et de ce qu'il doit proposer. Il y a quelques scènes d'action qui tiennent parfaitement la route, c'est qu'ils vont pas non plus décrocher la mâchoire aux spectateurs avisés, mais qui sont tout à fait correctement emballés. Et voilà, pour moi, c'est ce que je retiens le plus du film, ça va vraiment être le côté véhicule pour son actrice, donc Lee Hye-young, si je ne dis pas de bêtises, excusez-moi pour la prononciation, qui est une actrice qui a tourné moult fois pour Hong Sang-soo, qui est une excellente actrice et qui, là encore une fois, prouve la qualité de sa palette de jeu. C'est ça, bah, je vais pas rajouter grand-chose, t'as dit l'essentiel, c'est vraiment de la John Wickry, mais qui va pleinement exploiter la vieillesse, tant parce qu'elle implique de positif comme l'expérience que de négatif, à savoir bah, la faiblesse du corps, et qui pour le coup diffère beaucoup et innove dans ce cadre qu'est la John Wickry, comme tu disais. On peut passer au jour 6. Et le jour 6, on l'a commencé tous les deux par la séance de gibier de Abel Ferry. Effectivement. Donc, c'était la première française du film la veille. Donc, pendant que nous, on était à Old Woman. Et donc, la veille, il était en première française. Avec beaucoup des membres de l'équipe. Nous, on a juste eu Abel Ferry. Mais ce qui est déjà très bien. Donc, qui est un film où on va suivre des militants écolos. Et globalement, des gens qui veulent faire changer le monde, qui ont placé des caméras dans un abattoir parce qu'ils ont entendu parler de malfaçons, De maltraitance de maltraitance animale. animale, je cherchais les mots, merci, et qui donc vont vouloir se rendre sur les lieux pour récupérer les caméras, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ça? Bah, c'est un film autour du thème de la chasse à l'homme qui est, malgré son classicisme évident dans la forme, dans la narration et également dans la présentation, je trouve arrive à jongler plutôt habilement entre exploitation et discours politique, à ne jamais particulièrement développé, mais toujours bien présent et toujours assez assez fin, notamment par le partage de points de vue entre les chasseurs et les chassés. Alors, partage qui enlève, évidemment, toute implication émotionnelle, mais qui, en même temps, permet au film d'avoir un... de trouver une forme de milieu assez, assez fin dans son point de vue. Gros plaisir, un peu mélange de cinéma d'exploitation, très trash, et qui s'assume en tant que tel, et de discours qui est évident sans jamais être bête. Donc, gros plaisir, très belle petite surprise, et qui est par ailleurs, que j'ai trouvé bien meilleur que Vertige, donc du même réalisateur, qui était déjà un excellent film, enfin un très bon film, et que là j'ai trouvé encore plus abouti. Donc ouais, j'attends avec grande hâte là, que le film, enfin qu'il fasse un troisième film. À noter également que Gibier présente, comme dans Vertige, une rupture de ton à peu près vers la moitié, et là où dans Vertige je trouvais ça très abrupt et un peu indigeste, là je trouvais ça beaucoup plus fin, enfin fin n'est peut-être pas le bon terme, mais beaucoup mieux maîtrisé et beaucoup plus en phase, je pense, avec les envies du metteur en scène. Ouais, sachant que Gibier prévoit d'avoir une sortie en salle en janvier, si je dis pas de bêtises. Yeah. Gibier en janvier, donc c'est facile à retenir, mais... C'est vrai que pour le coup, je vais te rejoindre sur ce côté-là, et surtout sur le changement de ton qui arrive à la moitié du film, où on passe vraiment de la traque, ouais, on passe de la traque au vraiment survival vénère, voire même au home invasion sur la fin, et c'est cette espèce de mélange de plusieurs aspects du cinéma bis qui nous sont à tous les deux très chers, qui fait que, et surtout leur maîtrise, parce que c'est une chose de mélanger, c'en est une autre de les maîtriser, c'est vraiment... tout ce mélange là qui fait qu'on a une expérience très plaisante en salle et un vraiment le mot plaisir revient souvent quand je parle, mais c'est le plaisir du bis et on va pas le bouder. Et donc tu as vu autre chose ce jour là ce deuxième jour, effectivement, j'avais vu Gorgona. Oui. Alors Gorgona qui... Sixième jour, pardon, alors j'en perds mon latin. Alors Gorgona qui est pas un film qui a été très apprécié, j'ai l'impression, c'est un peu dommage. Alors ça se passe à nouveau dans un futur post-apocalyptique, dans lequel les femmes sont devenues une monnaie d'échange particulièrement précieuse, et on va suivre un personnage féminin qui, sous la tutelle d'un chef de gang local, du chef de gang local le plus puissant, selon ce que le film nous dit, et qui se sent proche de sa fin, et qui va donc demander à ce personnage féminin de prendre sa suite pour assurer la tutelle du gang. Alors, c'est un film qui, je trouve, déborde d'envie de bien faire, déborde d'envie esthétique, déborde d'envie narrative, déborde d'envie thématique. Je trouve qu'il ne les maîtrise pas toutes très bien, mais qu'il va chercher un ton un peu à la Greg Araki, presque à la Donnie Darko par instant, dans le côté un peu... dépressivo-maniaco-sentimental, quelque part. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié, je me suis complètement laissé prendre par le film, qui arrive, en plus, je trouve, à vraiment surprendre dans la façon dont il va évoluer, notamment par l'ajout d'un élément fantastique qui est particulièrement détonnant et qui, même si je ne suis pas sûr d'en comprendre toute la symbolique, toute la rhétorique qu'il peut y avoir derrière, je trouve, amène un symbole très clair sur le message que veut donner le film. Bah, personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est une sorte de film de gangster sous néon, pourrait-on dire. Alors, sorte de film de gangster très nocturne, avec en plus une idée symbolique très forte. Tout est dans le titre, c'est une variante autour du thème de la Gorgone, en fait. C'est petit coup de cœur mesuré. Ok. On va finir avec toi pour ce jour-là, parce que j'ai eu une autre séance après ça, mais c'était Flush. Donc on a déjà regardé le film. On a déjà parlé. Mais donc jour 7, donc ce 8 septembre, mm-hmm. Donc j'ai commencé la journée par le film Une femme dans une cage de Walter Grauman, film de 1964, qui faisait partie donc de la carte blanche de Steven Sayadian, qui est donc été présenté par lui, qui nous a raconté son rapport au film, qui raconte que à l'époque il a 10-12 ans, il a déjà vu quelques films d'horreur et aucun n'a réussi à vraiment le marquer. Jusqu'au jour où il va voir ce film-là dans un drive-in avec son père et où il en ressort traumatisé parce que c'est le premier film d'horreur qu'il voit à être à la fois aussi maîtrisé et en même temps autant ancré dans le réel avec cette horreur palpable, à savoir une femme d'un certain âge, donc qui est jouée par Olivia de Havilland, qui jouait le rôle de Mélanie, la soi-disant meilleure amie de Scarlett dans Autant d'emporte le vent. Mm-hmm. Qui est assez âgé dans le film, qui est physiquement diminué au point d'avoir un ascenseur dans sa maison pour se rendre d'un étage à l'autre. Et À cause d'une panne d'électricité, elle va rester bloquée dans son ascenseur entre deux étages, ne pouvant sortir et devant faire face à des cambrioleurs. Donc c'est une horreur vraiment tangible, vraiment ancrée dans le réel. Et Sayadian disait que ce genre de film où on retrouvait une actrice qui était très en vogue à l'âge d'or d'Hollywood, mais qui ne trouvait plus de rôle passé 50 ans, se retrouvait proposé, enfin, se retrouvait à se voir proposer des films d'horreur parce que plus personne ne l'appelait, on pouvait lui proposer des rôles moins chers. Triste réalité qui se vérifie moins, mais toujours, aujourd'hui, tout de même. Mais donc, c'est un film qui. Alors, peut-être que j'étais fatigué, peut-être que c'était pas le bon jour. Je trouve le concept mortel, je trouve que le film traîne beaucoup trop. Alors, il est aussi notable pour être le premier rôle au cinéma de James Caan. Mais pour le coup, ça. Ça démarre très bien, toute la première demi-heure, première 45 minutes sont vraiment efficaces quand on a la première. On a le récit qui s'installe. On a ce côté. On ressent vraiment la solitude de la femme, on ressent même sa fatigue physique, et ça c'est assez fort. Et une fois qu'elle est coincée depuis un peu de temps et que le premier cambrioleur. Donc un SDF dont la sonnerie d'alarme l'a attiré dans la maison. Donc parce qu'elle peut déclencher une sonnerie d'alarme depuis l'ascenseur pour faire sonner à l'extérieur, sauf que personne ne l'entend. Parce que tout le monde s'en fout. Passé ce moment-là, le film, enfin le schéma du film se répète beaucoup et c'est malheureusement mon point noir avec le film, même si ça reste une bonne surprise. Pour le coup, je connaissais pas le film. Je connaissais le synopsis parce que. Forcément, quand on est à l'étrange et que plusieurs films jouent en parallèle, on doit faire des choix, on doit s'intéresser au film et savoir quel film joue à quel moment. Mais donc, le concept est mortel, le film l'est un peu moins. Ça reste bon, franchement, je vous conseille de le voir, mais pas tant que ça non plus. Enfin, c'était pas ma claque. J'ai pas eu ce que Sayadian a eu à 12 ans. Ce qui est normal, hein. Un homme de 24 ans en Vu 2025. son vécu et la personnalité qu'il a, ce serait compliqué de ressentir les mêmes choses. Oui, mais surtout un enfant de 12 ans dans les années 60-70 n'a pas n'est pas comme un homme de 24 en 2025. Mais donc, j'ai enchaîné directement après avec le film The Cursed Insatiable Desires, alors également présenté par Julien Sébéon. Et donc, c'est un film à sketch coréen qui est. Alors, pour le coup, est beaucoup plus égal que beaucoup des films à sketch qu'on a pu voir parce que tous les segments sont réalisés par le même homme. À savoir. J'ai pas du tout le nom du réal, je suis désolé. Mais pour le coup, assez égaux également dans leur moyenneté. C'est-à-dire que c'est vraiment assez basique dans ce que ça apporte. Ça innove dans le sens où. Enfin, innove même pas, mais ça sort un peu du gros des films à sketch dans le sens où les segments finissent par se rejoindre d'une certaine façon. On découvre qu'un élément d'un segment est lié à un élément d'un autre, etc. Mais globalement, c'est assez basique en termes d'horreur, que ce soit de paranormal ou même en termes de gore. C'est très convenu au final. À part peut-être le premier segment qui contient une espèce de contamination au pollen, pourquoi pas. Mais à part ça, pas forcément séduit par The Cursed. Mais du coup, toi, qu'as-tu vu ce jour-là? Bah, j'étais allé voir L'étrange anthologie. On y était tous les deux, L'étrange du coup. anthologie donc de Sylvain Perret, qui est une compilation sur un fil rouge d'une interview d'Alejandro Jodorowsky, qui est un film qui est. Alors que je vais être très rapide dessus, c'est fascinant, mais pas forcément explicable. C'est-à-dire que c'est basé donc sur les archives Gaumont, c'est bah, y a des publicités, des interviews, des reportages, il y a toutes sortes de choses. Et le résultat final est assez fascinant, tant par le décalage entre l'époque où ça a été fait et l'époque à laquelle on le reçoit aujourd'hui, entre les intentions de base, visiblement, lorsque les images sont filmées, et le résultat ressenti au final. C'est un film qui est complètement anachronique, assez percutant parce qu'il va proposer au spectateur, mais qui est je saurais pas expliquer vraiment en quoi il est. Je pense que le décalage évidemment temporel et narratif entre ce qui a été filmé et l'époque à laquelle on le reçoit et joue évidemment, mais en même temps il y a quelque chose d'un peu plus profond, et je me demande si ça tend pas, enfin, si ce n'est pas dû aussi à cette interview complètement lunaire d'Alejandro Jodorowsky, alors qu'il y a déjà quelqu'un d'assez... faut se le farcir en interview quand même, mais ouais, qui est encore un cran au-dessus. Donc, pour le coup, ouais, c'est gros sourcils levés, mais positivement. C'est ça, et au-delà de l'aspect évident de la capsule temporelle de l'époque, c'est globalement des extraits de... soit de publicité, de reportage des années 60 et 70, globalement. Il y a... Pour le coup, je trouve que l'interview de Jodorowsky a vraiment ce côté envoûtant, dans le sens où on se dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et en même temps, je veux une chaîne YouTube ASMR de Jodorowsky, parce que entendre ce mec parler, il y a à la fois ce truc fascinant, hypnotisant, mais hypnotisant dans le sens, bah oui, justement, de l'intérêt et du sommeil. C'est-à-dire que ouais, il va parler, il va complètement switcher, il va prendre des virages, mais comme t'en as jamais vu. Et c'est possiblement une des expériences. Alors, il y a le premier film qui est trouvable aussi en ligne, et sur la plateforme, alors je ne sais plus quelle, mais si vous cherchez sur Just Watch, vous trouverez sur quelle plateforme il est. Mais globalement, on conseille. Évidemment. L'Étrange bis, d'ailleurs. Évidemment. De son nom complet. Mais oui, c'est à la fois fascinant par la capsule temporelle, tant par la différence culturelle que par des espèces d'énormités, notamment sur le rapport de la femme. Ouais, sur le rapport à la femme. Si vous avez vu La femme objet, Mondo, dégueulasse, filmé par un réalisateur français très reconnu par ailleurs, c'est. Waouh! Waouh! Voilà. On a fini sur le jour 7. Effectivement. On attaque sur le dessin animé. Alors j'ai autre chose avant. Ah, my bad. C'est vrai, parce que juste avant qu'on se retrouve pour ce dessin animé. Il y en a qui bossent ici. J'ai été voir L'enfant miroir de Philippe Ridley. Chef d'œuvre. C'est alors c'est effectivement comme tu dis, c'est un super film qui va explorer beaucoup de thématiques, notamment cette espèce de psychopathie de ce gamin qui on a l'impression que rien ne peut l'atteindre. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est vraiment ce gosse qui est mais c'est ce que Julien Cévéon disait en présentant le film. Philippe Ridley le film et l'écrit vraiment comme un psychopathe. C'est pas psychopathe dans le sens meurtrier, mais psychopathe dans le sens où sociopathe déconnecté de toute émotion, de toute norme sociale. Et alors au-delà d'avoir cette espèce d'ambiance qui est à la fois permise par la musique totalement hypnotisante, par la photographie totalement éthérée, et par ce jeu d'acteur, notamment Viggo Mortensen, qui... Pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles, et de très loin. Ouais, qui est fascinant dans le film. Mais donc, ouais, L'enfant miroir de Philippe Ridley, c'est franchement une des petites pépites que j'ai découvert à ce festival. Philippe Ridley, alors, il a réalisé que, entre guillemets, trois films, donc sa filmographie est vite abordée. Deux chefs-d'œuvre et un excellent film. Il faut que je vois ces deux autres, du coup. Mais Darkly Noon est un chef-d'œuvre incroyable. Et alors, du coup, sachant que cette séance-là était en remplacement de Marco. Dont on parle ça en fin d'émission. Mais donc, le dessin animé. Alors, Lesbian Space Princess, qui est un dessin animé sur... qui se passe dans l'espace, où on va suivre une jeune princesse qui vit dans un royaume uniquement rempli de lesbiennes, et qui va suite... Qui est surtout la fille des reines lesbiennes de ce royaume, et qui, suite à sa rupture avec sa petite amie qui était trop cool et trop dark et tout, va se mettre en quête de la retrouver avec un... alors qu'elle a été kidnappée par trois... Maliens. Ouais, Maliens. À nouveau, je pense qu'il faut essayer de rester un peu discret sur le film, parce qu'il mérite vraiment d'être découvert. Ces choix d'univers sont assez fascinants. Fascinants et surtout extrêmement, extrêmement amusants. Ouais. Et c'est un film qui, sous couvert... Alors, tout est dans le titre, quelque part. Et qui, sous couvert de franche comédie, en fait, est un récit d'initiation qui est non seulement extrêmement drôle, mais surtout extrêmement amusant, parce que précis, sur plein de points plus ou moins évidents vis-à-vis de ces cheminements-là, qui peut d'ailleurs s'adresser tant à des personnes homosexuelles qu'à des personnes hétérosexuelles, évidemment. Parce que en plus de ces évidences, ils maîtrisent des codes queer qui sont extrêmement amusants, d'autant plus quand ils sont confrontés à des personnages qui, eux, ne les ont pas. On peut penser évidemment au vaisseau, on peut penser aux trois bad guys. Qui joue le vaisseau? Richard Roxburgh, le meilleur Dracula ever, Van Helsing. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est un de mes plus gros coups de cœur du festival. C'est drôle, c'est pop, c'est acidulé, c'est coloré, c'est extrêmement extrêmement amusant, extrêmement accueillant, et c'est un film qui est, je trouve, d'une discrétion par rapport à sa propre qualité, alors que qui est presque injuste parce qu'il mériterait beaucoup plus de visibilité. Oui, totalement. Je vais vraiment pas rajouter grand-chose, t'as vraiment tout dit. C'est un film qui est absolument hilarant, tant sur juste le pur aspect comique, que ce soit le tempo, que ce soit les répliques, que vraiment sur sa maîtrise de la culture queer qui, si on a les clés, rend vraiment ça très drôle, notamment quand ça parle d'un certain film de Kechiche. On vous laissera voir la blague. Voilà, vraiment, en plus ça arrive quand on s'y attend pas, donc là, vous... Vraiment, vous n'êtes pas spoilé sur une scène, mais juste, c'est La hilarant. réplique est mortelle. C'était vraiment le moment où tout le monde a rigolé dans la salle, mais oui, juste, c'est un film qui parle à la fois de masculinité toxique, à la fois d'appréciation de soi-même, à la fois d'amour, à la fois d'identité queer. Alors, c'est deux hétéros qui vous disent ça, mais... Non, mais d'identité et d'identité queer, justement, sur comment est-ce que tu vas te construire, même sur comment tu vas te construire et te reconstruire avant, pendant et après une relation qui peut avoir été ou très agréable ou très douloureuse. Non, vraiment, c'est un excellent film, et qui, en plus, nous ne sommes que des hommes hétéros, mais ça a été, nous l'avons apprécié, donc c'est que le film doit être au moins regardable, en tout cas par les gens comme nous. Voilà. Et c'est minimum quand même mentionner les réalisatrices Emma Hough-Hobbs Oui, bien sûr, bien sûr. et Lila Varghese, qui sont très prometteuses au vu de ce premier film. Et donc, je sais pas si c'est C'est un leur premier premier d'ailleurs, long métrage, je premier crois. long métrage. Et donc, qui vraiment, si vous, enfin, si vous voulez vous intéresser à elles, franchement, c'est vraiment des réalisatrices à suivre pour la suite de leur Bah, carrière. on espère que le film sera visible au plus vite. Ouais. Mais du coup, le soir. Ah non, avant j'avais The Institute. Ah, c'est vrai. Alors, The Institute, je vais être rapide, c'est un film ARG qui... Alors, c'est un ARG qui... Le film va mélanger documentaire, fiction, narration autour de cet ARG. J'avoue que je m'y connais très très peu en ARG. Je sais qu'en France, on avait eu Kama Crusoe comme ça. Oui. J'y connais rien du tout en ARG. Personnellement, ça m'a plutôt beaucoup plu, notamment par l'approche que le film va avoir des thématiques comme la croyance, la religion, mais au-delà de ça, comment est-ce que tu vas croire à une théorie, à une idée, comment est-ce que cette croyance va se développer, comment est-ce que toi-même tu vas la partager et la développer. Et en même temps, le film va, très étonnamment par ailleurs, apporter une certaine émotion quand tu comprends l'importance que cet ARG, donc cette fiction par essence, a pu avoir sur l'impact que ça a pu avoir sur les personnes qui y ont participé, avec certaines à qui ça va carrément manquer, qui vont parfois même pleurer en évoquant ça. Alors, j'essaie de rester assez vague parce que je pense que c'est un film qui mérite d'être découvert le plus possible en n'en sachant rien du tout. Personnellement, je ne savais absolument rien. Le marketing a très bien marché là-dessus. Mais pour le coup, c'est assez séduisant, notamment par les surprises que le film arrive à aller chercher, parce qu'il va jouer en permanence sur la corde fiction, pas fiction, réalité, pas réalité, documentaire, pas documentaire. Et de cette incertitude naît, je trouve, un intérêt, une stimulation intellectuelle d'autant plus grande. Et donc, le soir, oui, Les Diables, C'est ça. Kazanzal, Donc, présenté par Stavianian, oui! voilà, donc Steven Sanadian présente le film, nous raconte son rapport au film, à savoir, il est allé le voir en séance de minuit avec des amis, donc il compare ça notamment à El Topo et à... Je sais plus si il parle de Pink Flamingo ou... Pour moi, j'avais que le topo en tête. Mais il y va sous gros LSD. C'est ça, il y va sous acide, et quand commence le film, et enfin passer les premières minutes, il demande à son pote, enfin non, son pote lui demande, Son pote lui demande. Steven, est-ce que c'est le film ou est-ce que c'est les acides? Et Sayadian lui répond, pour le bien de l'humanité, j'espère que c'est les acides. J'espère que c'est les acides. C'est peut-être la meilleure façon de décrire Les Diables de Ken Russell, peut-être très certainement le pinacle de son réalisateur, dont on avait déjà parlé dans l'épisode Body Horror sur Altered Sur State. Altered State, je sais pas si c'est son pinacle, moi j'ai d'autres films que j'aime beaucoup de lui, mais c'est un film qui Comme The Institute, par ailleurs, je pense, mérite d'être découvert vierge, entre guillemets. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que j'avais découvert la première fois. Et c'est un film qui est une espèce de décharge d'adrénaline, que ce soit visuellement, que ce soit auditivement, étant Ken Russell, c'est un réalisateur qui a toujours beaucoup travaillé le son, que ce soit visuellement, que ce soit auditivement, que ce soit thématiquement, c'est un film d'une densité, d'une énergie, d'une rage presque assez saisissante, et qui va chercher des images et des émotions dans des profondeurs qu'on ne soupçonnerait pas forcément, surtout dans ces versions les plus longues qui peuvent Oui. exister, étant donné que le film a été... Ça mériterait un épisode entier, on en parlera peut-être le moment venu, mais c'est un film qui a été victime de censure et de problèmes de sortie, de ressortie, de disponibilité monstrueux. Il y a une vidéo entière de Intercut dédiée à ce film, si vous voulez le voir. La vidéo s'appelle Le film le plus censuré de l'histoire, je crois. Voilà. Dans l'idée, on n'en est peut-être pas loin. Et c'est un film qui, je trouve, est d'une rage et d'une puissance extrêmement galvanisante et extrêmement choquante, mais pas comme pourrait être choquant un Terrifier ou un Marco, dont on parlera plus tard, mais vraiment choquant par la force des images qu'il va déployer et par la perversion qu'il arrive à instiguer dans son... Dans son cinéma. Voilà. À nouveau, faut essayer de faire court parce qu'on a plein de films à traiter, donc on essaye de synthétiser. Notez comme l'épisode fait déjà plus d'1 heure, si vous voulez savoir, vous laissez mettre en challenge de faire moins d'1 heure à la base. Le challenge a été abandonné. Et puis pour le coup, les diables, il y a vraiment Voilà, il y a mille et mille une personnes choses qui à en dire. parlent. Donc, voilà, on vous invite évidemment à aller voir ce qui peut être dit dessus. Peut-être, j'espère qu'un jour on en parlera. Mais c'est un film qui mérite d'être découvert et surtout d'être découvert en sachant si possible le moins possible, évidemment, surtout sur ce qui se passe dans son dernier tiers. C'est ça, c'est pour ça que je ne vais rien rajouter et qu'on va passer tout de suite au jour suivant où nous n'avons eu qu'une seule séance. Fuck C'est ça, Toys! donc. Moi, c'est mon gros coup de cœur du festival, je suis tombé amoureux de ce film. Donc, jour 9, on est le 11 septembre 2025. Pourquoi 11 et pas 10? Évidemment. Le mouvement social, encore et toujours. Effectivement. Mais donc, Fucktoys de Annapurna Sriram, alors qui était présenté 6 jours plus tôt, en première française, en présence de la réalisatrice qui, malheureusement, n'était plus là pour Oh notre mon Dieu, séance. voilà. C'est en tout cas la meilleure descendance, pardon, possible que j'ai vue de Greg Araki. C'est sans aller chercher ses folies visuelles ou ses exubérances philosophiques, pourrait-on dire. Je pense notamment à la toute dernière image de Nowhere. Le film va aller chercher cet esprit queer, libre, et cette liberté tant narrative que de ton, d'esthétique ou Ou d'ambiance, même sexuel. ou même sexuelle, effectivement, qui fait un bien immense. Alors, tout n'est évidemment pas maîtrisé, loin de là, il y a plein de trucs en trop, il y a plein de trucs qui dépassent, il y a plein de trucs qui sont pas toujours clairs sur la façon dont évolue le film. Ouais, notamment sur son traitement des travailleuses du sexe. Voilà. Mais c'est, je pense, un film qui a le cœur au bon endroit et qui, en plus d'avoir le cœur au bon endroit, a les bonnes références et les bons codes de ces mêmes références. Voilà, personnellement, c'est un immense coup de cœur qui, en plus, est allé chercher dans certaines sensibilités, dans certaines imageries que je ne m'attendais pas à revoir en 2025 et qui me font un bien immense. Et ça, bah pour le coup, petit coup de cœur aussi. Il y a vraiment, notamment, pour moi, les deux meilleurs aspects du film, c'est sa réalisation, notamment avec son timing comique, qui, pour beaucoup de scènes, rend vraiment, vraiment ça drôle. Mais surtout sa photographie, avec ce côté très éthéré au final, qui, moi, m'a rappelé beaucoup The Sweet East, cette espèce de réinterprétation dans l'Est américain, enfin, dans l'Est états-unien, de Alice au Pays des Merveilles, de nos jours, donc. Non, dans les années 90, je En crois que c'est à fait, ce c'est un moment-là. film qui flotte C'est ça. dans l'idée. Et également la réalisatrice, qui est également l'actrice principale, et qui est exceptionnelle. Alors vraiment, c'est un premier film, et je pense de quelqu'un qui va faire beaucoup de choses très intéressantes par la suite, en tout cas, je l'espère. Et qui en plus est très sympa pour avoir discuté un tout petit peu avec elle. Oui, c'est vrai. On a fini sur Factoys? Je pense, à nouveau, c'est un... J'espère peut-être pouvoir écrire ou... Très probablement écrire quelque chose dessus dans les jours à venir. On a une vidéo sur le compte Instagram qui en parle aussi, si vous Qui en parle voulez. aussi à chaud parce que c'était juste après la séance, si je C'est ne dis pas ça. de bêtises. Ouais. Et donc, le lendemain, on a vu deux films. Le Ah, c'est premier là! Était compliqué. Le premier, c'était I Live Here Now, réalisé par Julie Pacino, Oh oui, la fille de Hal. putain, c'est là. Et alors, le film avait été projeté, si je dis pas de bêtises, 3 jours plus tôt, ou 5 jours plus tôt, quelque chose comme ça, à Deauville. Mais donc, Julie Pacino était en France, elle est venue pour L'Étrange. S'en est suivi un question-réponse auquel nous n'avons pas assisté parce que. On a détesté. Ouais. C'est. Je vois quand quelqu'un a les mêmes influences que moi, que ce soit David Lynch ou Suspiria, et j'ai trouvé le film très confus, très, très inconstant, inconsistant, tant dans son rythme que dans sa mise en scène. Je suis ou passé complètement à côté, ou vraiment détesté le film, mais j'ai trouvé ça très... Là où va des rétros, j'avais une haine vigoureuse pour le film. Là, c'est un désamour tout aussi profond mais moins vindicatif, parce que juste c'est un film qui pour moi n'a que, je trouve, très peu d'intérêt, ne serait-ce que par même les thématiques qu'il aborde, quand bien même elles sont éminemment louables, notamment sur, enfin, quand il les explicite, je les trouve un peu surannées, vues et revues, et finalement très peu novatrice sur un sujet qui, je pense, aurait mérité une approche plus lucide. C'est ça, un côté tout ça pour ça au final. Voilà, c'est ça, et qui finalement, alors je veux vraiment pas aller jusqu'à dire ah là là, industrie plante, Nepo Babies, etc. Là, il se trouve que c'est peut-être un petit peu le cas quand même. Et je trouve que le film est vraiment très indigent par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de quelqu'un qui a, on imagine, alors peut-être que ce n'est pas le cas, auquel cas je m'en excuse, mais autant de budget, autant de possibilités que lorsqu'on est la fille d'Al Pacino. C'est ça. Alors, moi, quand on avait fait la vidéo, il me semble que j'avais fait le parallèle avec Ishana et Shyamalan. Effectivement, sur The Watchers. Sur The Watchers, qui est donc le premier film de la fille d'une figure majeure d'Hollywood, donc que ce soit... Et du cinéma fantastique en général. C'est ça, donc que ce soit Night Shyamalan pour Ishana ou Al Pacino. Al Pacino, CF, IMDB sur... voilà, évidemment. Sur Julie Pacino. Mais donc c'est... donc je comparais ces deux premiers films dans le sens où ces deux films qui ont des influences indéniables, donc que ce soit David Lynch ou Suspiria pour Olivia Now, et évidemment les films de papa pour Ishana. Enfin, pour The Watchers, Les Guetteurs en français. Et c'est des films avec ce sentiment d'inachevé, ce sentiment de... Je vois où tu veux en venir, mais essaie de développer ta propre personnalité. Essaye de... Je vois que t'as des modèles, essaye d'être toi. Je vais me permettre une remarque qui est peut-être un peu sévère, mais que je pense sincèrement. En comparaison est directe avec Fuck Toys, donc on avait vu, dont on parlait juste avant. Fuck Toys, c'est un film qui est finalement très... punk dans l'approche qu'il va avoir, même du médium cinéma. Là où I Live Here Now est un film qui est paradoxalement ultra scolaire quand il s'inscrit dans ces références-là. Alors, c'est-à-dire que vouloir faire du David Lynch, faut quand même s'y frotter. Quoi. Je suis très loin d'être le plus gros client de David Lynch, mais le premier exemple qui me vient en tête, c'est Between Worlds avec Nicolas Cage. Et c'est un film qui, je pense, s'inscrit dans la grande histoire du cinéma avec un H, pour des raisons... avec une H. Là, ouais, avec une pour des raisons que je qualifierais de motocyclique. Je vous invite à voir le film pour comprendre. De ralenti aussi. Ah bon, oh mon dieu. C'est peut-être l'un des films de Nicolas Cage les plus lunaires. Peut-être le plus lunaire. Mais voilà, et là pour le coup, c'est la checklist de j'ai vu Suspiria, j'ai vu David Lynch, je veux parler de trucs. Bah voilà. Et pire que ça, alors si je peux être tout à fait honnête aussi, j'ai plusieurs fois flotté un peu pendant le film, alors non pas pour cause de prise de substances extérieures, mais tout simplement pour cause de fatigue, alors sans aller jusqu'à m'endormir, cette espèce de demi-esprit de conscience. Et en fait, minute 1, ça, tu skips 2 ou 3 minutes, t'arrives après, t'as l'impression que c'est tout le temps la même chose qui tourne en boucle sans grand intérêt, sans grande finalité. Bah, c'est un film qui, en plus d'être... particulièrement scolaire et particulièrement frustrant. C'est ça, et en fait, il y a vraiment ce côté cahier des charges à 24. C'est-à-dire que ça pourrait vraiment être un film qui... Il a... c'est un film à 24, il manque juste le logo au début. C'est ça, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, que vous croyez subversif à dire que A24, c'est le renouveau du cinéma, A24 est devenu convenu, A24 est devenu mainstream chez les... A24 est devenu quasiment un cahier des charges à remplir... D'où certains arrivent à s'en extraire plutôt brillamment, mais... You became what you swore to destroy. C'est ça, tu es devenu ce que tu avais juré de combattre. C'est un peu ça, ouais. Ils ont annihilé Blumhouse, mais ils ont remplacé Blumhouse, et pas forcément pour les bonnes raisons. C'est ça, ils ont repris ce côté très programmatique dans... alors, pour le meilleur, c'est-à-dire laisser liberté à ses auteurs, mais on note tellement chez A24 cette espèce de... bah, globalement de ressemblance entre tout, c'est-à-dire il faut qu'il y ait, il faut inclure une esthétique un peu léchée, t'as généralement une scène de sexe ou une scène de violence un peu rentre dedans et généralement un peu malvenue, et faut parler de trucs si possible familiaux. Ouais, surtout du deuil si tu peux. Voilà, ça, c'est le deuil ou la famille. Tu Voilà. fais l'un des deux. Et Et si tu peux avoir une star un peu sur le retour ou un peu underground mais pas trop, c'est parfait. c'est ça, le deuil, la famille ou le sexe ou les trois en même temps en témoigne Boys Afraid. Non, bah, toujours, ouais, c'est compliqué, Boys of Fred, quand même. Hein, c'est ouh là là. Ça, on dirait Sydney Sweeney qui dit vous m'avez déjà vu baiser, crier et pleurer dans un film, parfois les trois en même temps. Plutôt bien vu. Voilà, mais donc oui, il y a vraiment ce côté très convenu, très à 24, c'était hype il y a 6 ans quoi. Mais aujourd'hui, c'est le nouveau cahier des charges des pseudo-indépendants. Et ben, Ailey Viana de Julie Pacino rentre complètement dans Dans ce cadre-là. c'est ça, dans ce carcan. Est-ce qu'on peut passer au jour suivant? Dead Lover? Oui, pardon, on a Dead Lover avant Dead ça. Lover Oui. de Grace Glowicki, alors qui est une réinterprétation quasi queer, effectivement, de Frankenstein. Alors, j'irais même jusqu'à dire que c'est une réinterprétation de Frankenhooker. Effectivement. Qui a plein d'idées un peu foutraques, surtout des idées visuelles, et quelques idées narratives également, avec cette idée de s'approcher quasiment du théâtre filmé par instant. Alors, c'est un univers qui est particulièrement abrupt, qui est parfois un peu particulier à aborder, avec un humour qui fonctionne parfois, pas toujours, qui je trouve se casse un peu la gueule à la fin, mais qui en grande partie dit, un grand, pardon, en grande partie dû à l'actrice principale qui, je trouve, amène un humour est presque grand guignol, on va dire. Après, c'est très, en tout cas très absurde. Qui est d'ailleurs la réalisatrice du film. Voilà. Donc, coup de cœur, mais avec des réserves sur la fin et avec questionnement quand même sur le ressort comique principal qui est le fait que l'héroïne pue. Oui. S'il peut être drôle au début et s'il peut faire mouche à plusieurs instants, je trouve, devient vite usant passé le deuxième tiers. Il y a un côté comédie cantonaise. Ouais, un peu, ouais, un peu. Mais voilà, globalement, voilà, c'est queer, une espèce de, c'est un récit gothique queer, ce qui court quand même pas les rues, ce qui est plutôt charmant, mais qui n'est pas non plus un immense coup de cœur. C'est ça, mais qui pour le coup reste quand même plaisant avec ses inspirations. On peut penser évidemment à Alan Lauter ou à Evil Dead. Je pense au premier pour ce côté très très débrouille au final, et sans forcément beaucoup de budget, ce qui se ressent par cette espèce de fond noir global sur tout le film pour masquer qu'on n'a pas de décor, ce qui en même temps crée une ambiance au final, donc ce qui est toujours plaisant. Mais oui, pourrait être plus abouti, mais pour ce qu'on a, franchement. C'est un de mes petits plaisirs du festival. Effectivement, le ressort comique principal, au-delà de pouvoir sembler puéril, et il l'est, et surtout suranné à mort tout le long du film. Mais c'est vraiment. Je pense que Grace Glowicki gagnerait à. Je pense, avec l'expérience, trouverait plus un Peut équilibre. consolider son style C'est ça. et ses possibilités. Elle en reste néanmoins très prometteuse, Ah, évidemment. et surtout si elle reste dans cette optique de débrouille et de système D. Le système D dans ses derniers retranchements. Ouais, système Z là à ce moment-là, mais franchement, Attendez. à tenter, ça reste une bonne expérience. Et on passe enfin au dernier jour du festival. Enfin! Alors, sachant que juste après, moi, j'ai rattrapé la Tour de Glace. J'ai Ok. rattrapé hier après Dalloway, autant dire que c'était une journée des extrêmes. Et on pourra évidemment parler de Marco juste avant, qui donc tous les deux, alors que ma Tour de Glace que j'ai rattrapé après, qui était au festival, mais que je n'ai pas vu, et Marco qui a été déprogrammé comme on a dit. Donc dernier jour avec Ian Frankelda, C'est ça, donc je suis Frank La Elda, Clacasse. des frères Rodolfo et Arturo Ambrides, qui est donc le premier film en stop motion entièrement produit au Mexique. Et c'est une dinguerie. C'est réussi de bout en bout, c'est à la fois beau, malin, extrêmement divertissant, parce que jamais, jamais prévisible dans son déroulé. Et quand bien même tu peux anticiper une idée narrative, ce sera rattrapé par une idée visuelle, ou inversement. Ça s'intéresse au récit, ça s'intéresse à la notion de peur en tant que telle. Où est-ce que la peur va prendre ses racines? Est-ce que les récits liés à cette même peur d'où est-ce qu'ils naissent, sur quoi est-ce qu'ils vont déboucher, qui les crée, qui les reçoit à proprement parler. C'est un film qui, en plus d'une poésie, je trouve assez folle, notamment par ses idées liées à la stop motion. Alors, t'es beaucoup plus au fait que moi sur la stop motion, mais c'est très sincèrement l'une des plus belles stop motion que j'ai vues de ma vie. J'ai trouvé ça mais sidérant, de chaque minute est d'une beauté sans pareil à contempler. C'est absolument, absolument sublime, avec en plus certains passages musicaux qui feraient pâlir de honte parmi les meilleurs Disney. Ouais, pour vous situer le style, c'est à la croisée des mondes entre La Légende de Manolo, donc film d'animation mexico-états-unien, réalisé par Jorge Gutiérrez et produit par Guillermo del Toro, qui d'ailleurs se base énormément sur El Día de los Muertos, ce qui a valu à Coco d'ailleurs de Pixar d'être accusé d'un peu de plagiat parce qu'il est sorti 3 ans après. Mais donc, croisée des mondes entre ça et Mad God. Et pour le coup, surtout, dernier truc sur A.M. Frankelda, c'est également un film très pertinent, puisque c'est un film qui, en plus de toutes ces thématiques, je trouve philosophiques et intellectuelles extrêmement nobles, est un film qui extrêmement frontalement va traiter le sujet de l'appropriation du travail d'une femme par un homme, c'est le faire extrêmement littéralement et avec, je trouve, une rigueur assez, assez remarquable. Donc non, personnellement, c'est un film qui m'a tout simplement bouleversé, voire ému aux larmes sur une scène vers la fin. C'est, je pense, là où Lesbian Space Princess est ma plus belle surprise, là où Fuck Toys est mon plus gros coup de cœur, je pense que I Am Frankelda est ma plus grosse claque, parce que j'en attendais peut-être... C'est là où j'avais un tout petit peu d'attente, dû au côté stop motion et à la présence de Del Toro, et j'en suis ressorti comblé. Il n'y a pas de Del Toro. Dû à l'influence, en tout cas, de Del Toro, pardon. J'en suis sorti comblé de bout en bout sur ce film que j'espère avoir l'occasion de revoir très prochainement. C'est ça, c'est une vraie fable sur la création, sur ce que c'est qu'être artiste, sur ce que c'est qu'être. Enfin, que d'écrire, que. Bref. De créer, c'est magnifique. On espère une sortie française. C'est ça, et surtout qu'en plus, dernier élément, ça va chercher dans des folklores, et je crois que c'est un élément que j'avais déjà dit dans d'autres films qu'on avait chroniqués sur ces ondes, mais ça va chercher dans des folklores qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, ce qui est une immense qualité, puisque, en allant chercher dans ces folklores-là, quand bien même ils te proposent des idées, quand bien même ils te proposent une narration et des scènes auxquelles tu peux t'attendre, et bah ça va te garder attentif par des monstres ou des décors que tu ne connais absolument pas. C'est donc ça. Pour le coup, c'est vraiment, c'est je pense, une des plus grosses claques de ce festival. C'est ça, j'allais y venir justement, les monstres et les décors, c'est vraiment la direction artistique qui est pour moi évidemment la plus grande qualité du film. Que ce soit, comme tu disais, les décors, les différents mondes, comment ils sont montrés chacun différemment. Et surtout, oui, ces monstres, ces créatures avec des formes toutes diverses, que ce soit les espèces d'influences d'araignées, de sirènes, de bref, tout est une ode à la créativité dans ce film. C'est vraiment fascinant. Ça va tendre aussi, évidemment, on parle de stop motion et de films avec un bestiaire varié. Il y a évidemment le nom de Monsieur Jack qui sort. Ça, c'est l'évidence. Ça, l'influence est, je pense, plus qu'évidente. Oui, mais même globalement, le taf d'Henry Selick, que ce soit Coraline aussi, ou James et la pêche géante. Mais sans jamais le citer de façon trop explicite, c'est-à-dire que ça... Oui, c'est jamais l'inspiration ne vient jamais parasiter le résultat. Oui, et c'est surtout un film qui est excellent en tant que film, et sans forcément avoir ses modèles derrière, c'est juste... Une petite claque. Pour moi, il y a moyen, alors je déteste employer ce terme trop récemment, mais il y a moyen que j'en vienne à le considérer comme un petit chef-d'œuvre en fonction de comment il évolue. On verra comment je m'en rappelle d'ici un ou deux ans, mais moi, ça a été vraiment, j'en suis sorti comblé. Séance de clôture ? Séance de clôture. Alors, la séance de clôture a commencé par la remise des prix. La remise des prix, la première, est allée au film Glut, donc de Victor Ruprecht-Robert, qui a gagné le Grand Prix Canal+ du court-métrage. Ce qui équivaut, je crois, à déjà une diffusion sur Canal, et aussi un petit chèque de plusieurs milliers d'euros pour un prochain projet. Pour la version longue. Pour la version longue. Ils ont annoncé de travailler dessus. Ok. Ils l'avaient annoncé au moment de la cérémonie. Voilà. Mais ce qui a aussi marqué, c'est le prix du public, qui est allé, encore une fois, à de la stop motion, mais qui est allé à Playing God de Matteo Burrani. Donc, film en stop motion franco-italien. Terrifiant. C'est vraiment On parle des deux tout de suite avant de parler du long métrage qui a reçu Les deux prix? les deux prix. Oui. Bah, on l'a déjà un peu spoilé, il faut que le tout de suite, c'est Forbidden City de Gabriele Menetti qui a récupéré les deux prix. Un immense bravo à lui parce qu'il avait déjà eu un prix pour Jigrobot, si Oui, je ne dis pas de je bêtises. crois. Voilà, un immense bravo à lui et surtout une envie de retrouver le plus vite possible un autre de ses projets. Je sais que l'annonce d'une grande saga, d'une grande franchise a été plus ou moins annoncée. Donc on espère que ce projet pourra se Ouais. concrétiser et qu'il sera dans la continuité de son travail jusqu'à présent. Parce qu'il n'était pas à la cérémonie de clôture, mais il était en Il visio était en avec visio, nous. on a pu lui faire coucou. Parce que justement, il a dû repartir pour retourner bosser sur son prochain Sur projet. son prochain projet, exactement. Et donc, alors les courts-métrages, on commence par Glut, c'est le premier qu'on avait eu. Allez, parlons de Glut. Donc ça se passe dans une cuisine, c'est Boiling Point. Ouais, The Chef, je crois, en VF. Exactement, mais sur un court-métrage avec en plus quelques idées de mise en scène extrêmement immersives, notamment un plan séquence assez réussi. Personnellement, c'est pas mon préféré des deux, d'autant plus qu'il souffre grandement de la comparaison avec le deuxième. C'est Mais j'ai ça. trouvé ça très immersif, très efficace. Je suis juste pas sûr du tout de l'écriture et notamment des relations entre les Ouais, personnages puis de la fin surtout. que je trouve dans le meilleur des cas incertaine, dans le pire des cas un peu douteuse. Mais ouais, c'est tout ce que j'ai à en dire. C'est ça, ouais. Pour le coup, ouais, tu parlais du plan séquence, c'est vraiment Boiling Point, quoi. Mais avec cette espèce de personnage au milieu qui. On sait pas qui c'est. On dirait que c'est l'espèce de. De fils. Tu sais, c'est comme dans une boîte, t'as un stagiaire, il est là parce que c'est le fils du patron ou le fils du RH, mais il est un peu bête. Mais il est là. C'est ça. Il est là, on sait pas ce qu'il fout là, on sait pas quelle tâche lui confier parce qu'il est incompétent, mais Mais il est il est là. là. Voilà. Bah, est-ce que tu veux parler de Playing God? Playing God, qui est une espèce de Mad God qui rencontre Toy Story. C'est terrifiant notamment par la stop motion, par cette espèce de gestion des visages et des déformations corporelles. Ça va vraiment chercher tout ce que peut permettre la stop motion dans le côté. Bah, c'est très méta en même temps. On a littéralement une espèce de créateur qui joue à Dieu et qui crée, avec son espèce de pâte à modeler, des personnages. Donc c'est de la stop motion qui parle de stop motion et qui a ce côté organique de la stop, ce qu'on peut retrouver dans les premiers courts-métrages des studios Hardman, à savoir ce côté, tu peux limite voir les empreintes digitales des mecs qui ont manipulé la pâte à modeler entre chaque photo. C'est magnifique et à la fois terrifiant parce que c'est magnifique. Pour le coup, je dois admettre, c'est tout simplement le film d'animation en stop motion le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. C'est d'une beauté, d'une qualité et en même temps d'une sensitivité absolument remarquable et qui va découler sur ce qui est un des films d'horreur les plus saisissants en tout cas que j'ai pu voir cette année. Notamment par, effectivement, Roman l'évoquait, l'aspect méta et la transparence que le film va imposer entre ce qui est fictif et ce qui est réel, ce qui est créé en stop motion, ce qui ne l'est pas. C'est saisissant, c'est terrifiant, c'est intrigant, c'est étonnant, c'est surprenant. C'est vraiment quelque chose de. En plus d'être quelque chose que je n'ai absolument jamais vu auparavant, sur des thématiques certes un peu surannées, mais là exploitées de façon, je pense, jamais vue, c'est de très loin l'une des choses les plus effroyables que j'ai pu voir, d'autant plus que l'horreur est basée sur une situation somme toute banale. Et surtout, contrairement à Glut qui va lui tirer sur la longueur, parce que Glut fait pas loin de 25 minutes. Ah bah là, il fait 9 minutes. C'est ça, ouais, Playing God fait 9 minutes, et c'est vraiment 9 minutes de pure angoisse, de pur effroi, et ouais, surtout que Playing God est entièrement muet. Enfin, muet. Pas parlant, Dans mais bruyant. l'idée, c'est Society dans ses moments les plus éprouvants sous stéroïdes. Ouais, sans trop en dire. C'est ça. Et on finit avec Gérald! Gérald le El Conquérant. Conquérant avec Fabrice Eboué. De Fabrice De Eboué, et Fabrice il était Eboué. là également. C'est ça. Qui boucle la boucle parce qu'en 2021, Fabrice Eboué était là pour le film d'ouverture. Barbac! Pour Barbac. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'avais vu, alors pas à la cérémonie d'ouverture, mais à une reprogrammation plus tard dans le festival de Barbac, c'est là que j'avais découvert. À la même édition que Mad God, justement, dont on parlait De juste avant. Filtipette. Alors, Gérald le Conquérant, quand bien même le festival ne s'est pas placé sur les mouvements sociaux, c'est un film qui, je pense, est d'autant plus important et impertinent, mais dans le meilleur sens du terme, sur des thématiques très actuelles, à savoir sur ces foutues thématiques identitaire, réactionnaire et tout ça. Alors c'est... Et c'est d'autant plus fascinant que le film est produit par C8. Ouais, c'est ça. Alors ce qui est amusant en plus, c'est que... Alors c'est... Pour faire le pitch rapide, c'est plus ou moins... Alors, non avoué selon le réalisateur, mais personnellement, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Une parodie de Philippe de Villiers, sans l'argent, donc juste avec la connerie. Qui veut monter un en parc... En Normandie, ouais. Un parc à l'honneur de Guillaume le Conquérant. Pour, en plus, et toujours Philippe de Villiers, commémorer un génocide avec beaucoup de guillemets. C'est ça, un génocide fictif, c'est-à-dire que tant celui de la bataille d'Hastings dans ce film... Que le génocide, le pseudo-génocide vendéen. Le génocide d'Hastings, c'est un grand moment, ça, quand même. Alors, le génocide vendéen, c'est quand même un thème qui est beaucoup plus complexe et dense, mais celui de la bataille d'Hastings, on peut le dire, non, il n'y en a pas eu. Donc, vendéen, c'est un autre thème. Mais pour le coup, je trouve que le film, là où Barbac, elle est taclée parfois de façon impertinente et pas toujours très fine, même si souvent très drôle, le sujet vegan et par extension, les sujets. Ce qu'on, ouais, le côté très politique qui peut aller avec ces sujets-là. Tant en taclant les véganes que les anti-véganes. Ouais, exactement. Et même les carnistes en général. Je trouve Gérald Le Conquérant, j'ai largement préféré Gérald Le Conquérant parce qu'il va jouer sur une corde beaucoup plus malaise, mais malaise extrêmement noir. Alors, on n'est pas non plus dans Borat, mais il est sur cette même corde de tu dois rire, tu dois t'inquiéter, tu sais pas trop. C'est ça, bah, c'est un épisode de Striptease. C'est l'influence principale que Bouadi. Il a dit deux influences. Il a dit Striptease et C'est arrivé près de chez vous. On vous renvoie à l'épisode méta où on parlait du film. Même avec un petit peu de The Office sur certains plans. Bah, on a enfin notre The Office à la française, mais dans le bon sens. Avec en plus une façon de mettre en corrélation. Les gimmicks à la The Office ou à la Striptease qui étaient toujours sur ce truc de c'est vrai mais peut-être un peu mis en scène aux thématiques qui sont justement c'est mis en scène mais c'est quand même des thématiques qui, enfin des idéologies malheureusement très prégnantes à l'heure actuelle pour les pires raisons du monde. Et alors on parle beaucoup de Striptease, sachez que Striptease a eu deux longs métrages d'ailleurs qui sont sortis, donc j'ai pas vu le deuxième qui s'appelle Poulet Frites. Mais le premier qui s'appelle Ni juge ni soumise, on va suivre une espèce de juge d'instruction qui va suivre des gros cassos, globalement, pendant 1h20, 1h30. C'est à la fois, bah, comme tu disais, fascinant et hilarant. Il y a ce moment où t'as un mec qui commence à s'énerver devant la juge, et la meuf lui dit de se calmer, et de sortir, et il commence à s'énerver, il dit « Non, je sors pas, tu vas faire quoi ?» Et je lui dis, bah, c'est très simple, monsieur, soit vous vous calmez tout de suite de vous-même et vous partez, soit j'appelle la sécurité et vous plaque au sol. Voilà. Mais oui, c'est... Ouais, ça va vraiment lorgner du côté de Striptease, dans ce que ça a de plus dérangeant, tant on se dit... Donc ces humains-là ont le même droit de vote que moi. Ouais, c'est réel, mais j'aimerais que ce soit faux. Mm. Et c'est pour ça, je trouve la rencontre entre les deux particulièrement percutante et intéressante. Donc bon, pour le coup, avec gros coup de cœur, et possiblement, alors je les ai pas tous vus, il me manque encore Coexister, je crois. Moi aussi. Des films de son auteur que j'ai vus, c'est de loin celui que je préfère. Je trouvais Le Crocodile du Boss Twanga très drôle au début, mais il s'essouffle un peu sur la fin. Mmh. À l'inverse, Casse Départ, je trouvais le début très long, malgré quelques blagues très amusantes. Philippe Pompon l'évêque. Voilà, c'est ça. Et la fin un peu, et la fin était un peu plus amusante. Barbac, je trouvais ça trop déséquilibré pour l'adorer de A à Z, même si le côté film d'horreur, je trouve, fonctionnait étonnamment très très bien. Barbac est dépassé par son concept. Voilà. En fait, Barbac est quasiment plus drôle à pitcher, et notamment certaines bandes annonces sont exceptionnelles qu'à voir sur toute la durée. Là, pour le coup, je trouve qu'il arrive à toucher un juste milieu savoureux sur toute la longueur du film. Même si Barbac avait... pour moi, la plus grande qualité de Barbac, c'est Marina Foïs. Ah oui, même si là... Marina Foïs en fan de True Crime. Ouais, mais là, le personnage magnifique. Principal était quand même pas mal non plus. Le personnage principal féminin. Il était quand même pas de mal... Gérald. Ouais, Alors, évidemment. Qui était très triste, mais jamais moqueur vis-à-vis d'elle. C'est à peu près le seul personnage qui est raisonnable dans le truc. En tout cas, surtout face à Gérald qui va... littéralement péter un câble, sans trop en révéler. Bah, bref, foncez le voir, d'autant plus qu'il sort en salle dans les mois qui viennent, donc jetez-vous dessus, c'est une vraie pépite et un vrai film qui, je pense, résonne d'autant plus puissamment dans la France actuelle. Mais donc, est-ce que tu veux conclure en touchant un mot sur Marco et sur La Tour de Glace? Alors, sur La Tour de Glace, très rapidement, c'est dans la continuité des films de Lucie Ladi-Halilovitch. Alors, je fais partie de ceux qui défendront Innocence jusqu'à la mort. C'est un film qui est extrêmement minimaliste, qui est peut-être peut-être un peu abrupte si on n'est pas au fait de son cinéma, mais c'est un film qui va, en traçant des parallèles avec le cinéma, parler de relations extrêmement, pas toxiques, mais vénéneuses entre deux femmes, de relations d'emprise, mais également d'un certain mal-être duquel découle une emprise. Alors c'est un film qui en plus va donner, je pense, un de ses plus beaux rôles à Marion Cotillard, qui trouve ici un rôle à sa mesure, en transformant son espèce de beauté inatteignable en en quelque chose d'extrêmement froid et d'extrêmement poétique à la fois. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais qui, à l'image des derniers films de Lutfi Asialilovic, en particulier Irwig, est peut-être pas du tout le meilleur pour démarrer son cinéma, voire peut-être le pire. C'est le plus explicite sur ce qu'il veut dire, mais c'est, ouais, je trouve que, notamment en termes de rythme, c'est un des plus raides. Et alors Marco, alors donc de Hanif Adani, alors qui est un polar noir malayalam qui a été mis en avant comme le film indien le plus violent jamais réalisé, alors que ce soit vrai ou pas, toujours est-il qu'effectivement le film est particulièrement brutal, particulièrement violent, Particulièrement sadique. notamment dans une scène extrêmement éprouvante, on pourrait dire, tant pour le personnage que pour son spectateur. Alors j'ai écrit un papier sur le film qui, à l'heure où l'épisode sort, sera déjà sorti Oui. la veille. Sera sorti la veille sur le site du Fantasticast. Voilà, que je vous invite à aller voir, dans lequel j'essaye d'aborder plus en détail. Alors, dans lequel je spoil allègrement tout le film, donc soyez prévenus, et dans lequel j'essaye de revenir plus en détail sur pourquoi le film a pu faire polémique et pourquoi est-ce que le cinéma d'exploitation est un cinéma d'exploitation évidemment extrêmement important. Tout en interrogeant également les qualités du film, parce que soyons honnêtes, sorti de son ultra-violence, le film n'a peut-être pas grand-chose à proposer. C'est pas faux. C'est-à-dire que c'est quand même un peu très moche. Là, alors l'acteur principal est pas mauvais, je trouve, mais c'est un énorme bœuf qui. C'est un film de con, hein, globalement. C'est un film qui, s'il pouvait parler, il dirait juste. Voilà. Surtout scénaristiquement très vite pour un film qui fait Les 2h25. dialogues sont particulièrement vides, mais alors, pour le coup, le film, je trouve le rythme se suit plutôt bien, et donc au cours d'une première heure va être un film mafieux tout à fait classique qui va d'ailleurs chercher du côté de Hannibal, pas toujours pour les bonnes raisons, même si, Dieu merci, le film est trop con pour avoir le moindre message, c'est déjà ça quelque part, et qui va dans sa deuxième partie exploser dans une Ah si, violence. je trouve qu'il a un message à savoir si tu veux te venger. Fais-le en n'en ayant rien à foutre des conséquences pour tes proches. Oui, mais le film est tellement con de A à Z. Là où Animal est un film très conscient et qui se place comme un film émissaire finalement d'une certaine mentalité, Marco, la mort notamment finale d'un des personnages est tellement débile, alors réjouissante par son effet gore particulièrement saisissant, pourrait-on dire. Il saisit quelque chose, mais le film est tellement con que si jamais il a le moindre message, je pense que lui-même ne le sait pas. Et qui va dans sa deuxième partie, donc exploser dans une violence de plus en plus débridée, de plus en plus inconsciente, notamment à travers plusieurs scènes d'action particulièrement brutales et saisissantes. Alors, j'emploie beaucoup le terme, s'il s'en faut que je fasse attention. Alors, certaines sont vraiment très réussies, une scène d'action dans la forêt notamment, une Oui. scène dans un bâtiment avec un faux plan séquence qui a le savoir-faire de couper juste quand ça commence à tirer un peu en longueur. Après ça, le film va explorer diverses thématiques émotives visuelles pour le moins saugrenues. On peut penser à un piège de saut encore plus débile que certains pièges de saut 5. Moi, C'est dire quand ça même. m'a rappelé comment le shérif est piégé dans Spit on Your Grave, dans le remake de 2010. Ah ouais, non, mais il y a des trucs comme ça, mais c'est vraiment très très bête. Alors, c'est vraiment un film de con et qui va trouver son apothéose dans une scène. Alors, en toute honnêteté, ça va carrément chercher du côté du catégorie 3 dans l'exploration des limites morales qu'on peut montrer à l'écran. Est-ce que c'est utile? Pas forcément. Est-ce que c'est réjouissant? Peut-être, notamment par la qualité des effets gore. C'est un film qui, en tout cas, pour lequel personnellement j'ai une certaine sympathie. Par pur plaisir de bas instinct. C'est d'ailleurs le nom que j'ai donné à ma critique, alors vous verrez lequel c'est. Moi j'en suis fier, voilà. Mais c'est un film qui est d'une connerie sans limite, mais qui dans cette connerie peut arriver à toucher du doigt quelque chose de parfois un peu satisfaisant, notamment par son gore et par son côté très immoral et certaines scènes d'action particulièrement réjouissantes par leur débilité et par leur brutalité. C'est le Terrifier du film d'action, très littéralement. Il y a les mêmes problèmes de rythme, il y a les mêmes qualités. Si vous avez aimé Terrifier et que vous avez envie de voir un film d'action qui, en plus de ça, je trouve, n'a absolument pas la reconnaissance qu'il mérite. Alors, pas la reconnaissance parce que c'est un film qui est attaquable sur de nombreux points et à juste titre. En tout cas, la visibilité qu'il mérite. Allez-y, foncez, mais soyez prévenus quand même que la scène en question, ne la dévoilons pas ici, elle est déjà dévoilée dans l'article, peut être quand même particulièrement éprouvante si on est sensible sur certaines images. On va dire ça comme ça. Et toi, tu l'as découvert il y a quelques jours maintenant. C'est ça, j'ai découvert ouais, il y a 3 jours maintenant. Et oui, globalement, bah, t'as globalement tout dit, c'est vraiment un film de bourrin. C'est un film ultra violent dans tout le spectre que la violence peut avoir. À savoir ce côté très réjouissant, notamment ce plan séquence dans l'escalier ou la scène dans la forêt qui sont juste des espèces de carnages. Où là, on va s'en prendre à des mafieux et des criminels. Donc, les voir se faire charcuter, c'est toujours très réjouissant. Ce qui est amusant, c'est que le film va jamais chercher une virtuosité technique, il va juste chercher la brutalité bête et méchante, ce qui est aussi un argument tout à fait valable, c'est-à-dire que dans l'idée, faut chercher ces The Night Comes For Us sans les acrobaties, donc il reste juste du massacre à l'écran, avec en plus une vraie volonté de brutaliser les corps ennemis. C'est... quelque part, c'est un peu déstabilisant. Ouais, mais comme disait Corentin, de l'autre côté du spectre de la violence, il y a cette scène. Sachant que avant que tu regardes le film, je t'avais dit, quand tu verras la scène, tu sauras. Tu sauras. Et tu m'as envoyé, est-ce que c'est telle scène? Est-ce que c'est telle scène? Je faisais, non, non. Et quand tu y es arrivé, t'as fait, ouais, ok. On y est, ça y est. Sachant d'accord, qu'en plus, ok, il y a eu ça. Ok, il y a eu ça. Ok, et en plus. Elle arrive de façon très inconvenue, on ne s'y attend pas. Donc, ouais. Elle arrive très tard dans le film, elle arrive quasiment au bout de 2 heures. Ah ouais, non, bah, elle arrive au bout d'une heure 45 à peu près. Ouais. Elle dure 20 minutes. Mais c'est. Et en plus, elle a une certaine gradation dans le sadisme qui est. Pour certains, inconvenue, pour d'autres, j'oserais pas trop employer le terme satisfaisante, mais on va dire. Surprenante, donc c'est personnellement de très loin le blockbuster le plus brutal possiblement que j'ai jamais vu. C'est un blockbuster, c'est ce qui est important à retenir aussi. À l'échelle indienne, c'est du blockbuster ? C'est un blockbuster. Ok. Et c'est de loin l'un des... c'est un peu comme si vous allez voir ouais, Thunderbolts, le Marvel là, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, et que bah, je peux spoiler Thunderbolts comme un bourrin, oui. Les gens l'ont vu, et que dans la dernière scène, bah, au lieu d'avoir The Void du coup qui transforme en nombre tous les habitants, bah vous avez l'éclipse de Berserk. Bah, dans l'idée, c'est un peu comme s'il y avait ce changement de ton-là, et waouh quelle surprise, oui. Quelle surprise. On a fini. On a fini. Alors voilà, encore une fois, merci à vous pour de nous écouter, merci à l'Étrange Festival de nous avoir donné cette accréditation. On espère que ce ne sera évidemment pas la dernière. Et bah on se retrouve évidemment 2h10 quasiment, quand on avait dit qu'on ferait moins d'une heure, le challenge sera un jour de faire un épisode court. Et bref, à part dans le calendrier de l'avant, évidemment. Ah, calendrier lent, c'était autre chose. Bref, merci encore à vous et on se retrouve évidemment dans le prochain épisode.